à C'est fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. On accueille une nouvelle chroniqueuse à un spectacle, Marie-Christine Perra. Et en plus de ça, on a plein d'autres affaires. David Ferron va être là à Assemblage Reiki tout de suite. Non, tu l'as pas eu du tout, Tania. Non, hein? Tu as essayé de lancer une boule de papier dans la corbeille, mais non, ça ne fonctionne pas. Pas le lundi matin d'une autre semaine qui commence puis qui va être pareil comme ça le d'avant. C'est correct qu'on aime ça. T'aimes les lundis? Ben, pas tant, mais... C'est ça. J'aime revenir à la radio, donc pour ah, ça, oui. Ça laisse ses avantages. Une chance qu'on a ça, parce que le reste, hein, on va se le dire, ça vole pas bébé. Ouais, hein? C'est ça. Donc, bonjour, bienvenue à Assemblage Reiki en ce lundi 28 septembre 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Alors, enchantée, Tania Baudin, heureux de te rencontrer. Ben oui. Pour une quoi, troisième semaine? On est-tu rendu à la troisième semaine? Est-ce qu'on les compte? Je crois qu'on est rendu à la troisième semaine déjà. Est-ce qu'on devrait compter les jours avant la fin de la session universitaire? Ah non, je pense pas qu'on avait fait ça. Hein? Donc aujourd'hui à l'émission, on va avoir à 8h30 David Ferron qui va venir nous divertir avec de la musique du monde dans sa carte bleachée. Ça, c'est comme une carte blanche. Blanche. Mais encore plus blanche que blanche, comme blanche de luxe. Oui. Hein? Pas trop le faire, mais quand même. Pas David. Du blanc, c'est trop dans les yeux. C'est comme... C'est aveugle. À 9h, Marie-Christine Perra. Et sa chronique, nouvelle chronique en fait, gratin et vin gratuit. Elle va venir nous parler de vernissage, d'art visuel, de trucs comme ça. Et il y a toujours du vin qui est servi gratuitement. Mmh. Donc, c'est gratin parce que les gens sont vraiment... Est-ce que tu veux que je lise son petit... Ben, vas-y donc! Son petit texte. C'est une chronique qui porte sur les expositions d'art visuel à Trois-Rivières. Comme le concept de vernissage colle parfaitement avec ma vocation de précieuse ridicule, elle qui co-animait à l'émission Les précieuses ridicules à Cifou, je les cours avec véhémence. Les vernissages sont fréquentés partout le gratin artistique trifluvien. Ils permettent donc d'être vus et de voir. En plus, un vin d'honneur est servi souvent en quantité suffisante pour avoir les pommettes rosées. Boustifaille et mangeaille agrémentent parfois cet événement traditionnel. Je me donne donc comme mission de parcourir centres d'exposition et galeries d'art à la recherche d'œuvres d'art surprenantes et amusantes. Je partagerai mon intérêt pour les arts et ma passion pour la critique et l'histoire de l'art sur un ton précieux, ridicule. Ouh! Hein? C'est-tu bon, ce gratin et vin gratuit à 9h? On aime ça. Oui, et autour de ça, nos chroniques maison, la tienne, aujourd'hui, c'est, comme toujours, Tania is gonna entertain ya. De quoi oui. Tu nous parles aujourd'hui, Tania? Eh bien, vendredi soir, c'était le Salon des vins de l'UQTR en collaboration avec la Banque nationale ainsi que les équipes sportives de l'UQTR. Alors, je vous parle un peu du Salon des vins, comment ça s'est passé. Je vous présente aussi deux vins que j'ai eu la chance de déguster et que j'ai bien aimé. J'en ai pas dégusté beaucoup. Par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé ces deux-là, donc j'ai décidé de vous en parler ce matin. Et je vais aussi vous parler d'hockey ce matin. OK, wow. C'est beaucoup de sujets en même temps. Beaucoup de sujets. Gardez-en pour le reste de la semaine. Pas le choix. Écoute. Et moi, je vais faire cet effet dans quelques instants, mais on débute avec une pièce de Hot Chip que j'aime beaucoup. On l'a écouté quelques fois jusqu'à maintenant à l'émission et à chaque fois, c'est un succès. Donc voici Hot Chip et Why Makes Sense. À Assemblage Reiki jusqu'à 9h30. Happiness with a sweet caress from Hot Chip, la pièce Why Makes Sense. Pourquoi avoir du sens? Pourquoi? Une question qu'ils posent, mais qu'ils ne répondent pas vraiment. Non, rarement. C'est ça. Quand les choses n'ont pas de sens, essaie d'en apprendre d'autres qui en ont de sens. Voici, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables. Ça nous met de bonne humeur, je pense. Ça nous met de bonne humeur, chanter comme ça le matin. Chanter totalement sur la note. Totalement. Commençons par Princess Sickness. Connais-tu Princess Sickness? Ce n'est pas une princesse de Disney. Ah! Non, nommée en hommage à une maladie. Non. C'est la maladie de la princesse, en fait, un terme utilisé en Chine et en Corée pour décrire un phénomène psychologique qui affecte les jeunes femmes. C'est caractérisé par du narcissisme. Commencement. Ouais. De l'égocentrisme. OK. Et une personnalité mélodramatique. OK. Ce qui fait que ces personnages agissent comme des princesses. Ben, ça pourrait être rapproché à Disney, tu sais. Ça pourrait. Il y a des personnages de Disney qui sont comme ça. Mais non, ouais, on connaît tous des gens comme ça. Tu sais, quand tu dis, t'es une petite princesse. C'est ça. Est-ce que t'es enfant unique? Non. OK. Tu vois, t'es pas princesse. Il y a un homme en Croatie qui s'appelle Braco qui soulage les gens, guérit les gens, en fait, avec son regard. Son regard intense. OK. Apparemment, qu'il a guéri un cancer et une maladie respiratoire en regardant les gens. Il a été invité par les Nations Unies et a été reconnu comme une merveille naturelle pour la paix. Par son regard intense. Son regard intense. Ouais. J'ai ça, moi, des fois, un regard intense, apparemment. Ouais, mais je suis pas sûre que tu puisses guérir des gens, Mathieu. Non, je pense pas. Je fais juste leur faire peur. C'est ça, exactement. Être creepy as fuck. En 2011, un garçon norvégien s'est échappé des loups en jouant une chanson de heavy metal par Megadeth sur son téléphone cellulaire. Et les loups ont eu peur du bruit qui venait du téléphone cellulaire du jeune garçon qui s'appelait... En fait, c'est... Excusez, ouais, je viens de voir c'est quelle tune il écoutait. C'était la chanson de Justin Bieber, Baby, qui a sauvé un pêcheur russe nommé Igor Vorosbistin d'une attaque d'ours. Il avait stationné sa voiture, il marchait vers l'endroit où il est bon, blablabla. Et heureusement, son téléphone a commencé à sonner peu de temps après que l'ours ait commencé à l'attaquer. Et c'est la chanson Baby de Bieber, mais version métal. C'est ça, parce que tantôt, ça disait... une chanson de heavy metal par Megadeth sur son téléphone cellulaire. Et pourquoi est-ce que dans l'article ça parle de Baby par Justin Bieber? C'est un remake. C'est vraiment drôle. Un remake de Megadeth. En tout cas, bref. C'est ça, il dit, je pouvais pas en croire ma chance quand le téléphone a sonné, qu'il est parti. Il a expliqué que sa petite fille, sa nièce, avait chargé la chanson de Bieber sur son téléphone comme blague. Il a fait une blague. Oh. Elle avait fait une blague. À l'époque médiévale, c'était très commun d'avoir deux nuits de sommeil par nuit. Mm-hmm. Ouais, donc on s'endormait pendant 4 à 5 heures, on se réveillait pendant 2 heures environ et on se recouchait pour un autre 3 ou 4 heures. On suggère qu'on a peut-être que c'était peut-être... attends un peu. On a peut-être évolué comme ça pour aller s'occuper du feu qui nous gardait au chaud et en sécurité. Ah! Dans la nuit, on allait prendre soin du feu, s'en occuper, le rallumer, ben, t'sais, le remettre des trucs dedans pour que ça continue. Ouais. Tu vois, cette nuit, je pense que ce trait d'évolution continue parce que je me suis réveillé à 3h30 et j'ai pas réussi à me rendormir. Quoi? Ouais. T'es sérieux? Ouais, je suis sérieux, j'ai pas dormi entre 3h30. C'est peut-être le changement de... C'est peut-être la pleine lune. Ah, la lune rouge! Oui! Hey, t'as-tu regardé ça? Je m'étais promis qu'on n'en parlerait pas. Ah, mais oui, la lune rouge, en effet. Ah, mais tout le monde en parle. Ben, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. C'est à peu près ça qu'on fait ici. Sir Robert Watson Watt. Watson? L'inventeur du radar s'est fait pogner en train de faire de la vitesse avec un fusil à radar. Et il aurait dit, je cite, « Mon Dieu, si j'avais su que j'allais faire ça avec ça, je l'aurais jamais inventé! » C'est comme l'inventeur de la bombe Préparation Watch, comme on appelle ça. Worcestershire? La bombe, oui, la bombe Worcestershire. C'est connu, celle qui a détruit Hiroshima. Ouais, c'est la ça. La bombe Worcestershire. C'est la même chose. C'est un fait. Lorsque le docteur Seuss était pris, il était en train d'écrire des livres, il était pogné. Il est passé le rôle de la page blanche. Il allait dans un garde-robe secret rempli de centaines de chapeaux et les portait jusqu'à ce que des mots lui viennent. On peut voir ces différents chapeaux à plumes et à chapeaux qui ressemblent à des têtes d'animaux, de canards et autres. Sur la photo sur assemblagerequis.com, c'est Théodore Seuss-Geisel, Dr. Seuss, Dr. Seuss en anglais, qu'on l'appelle plus avec cet accent-là. Ouais. Voilà, qui était donc qui avait un remède unique pour le syndrome de la page blanche. Il est en train d'écrire son très adoré par tout le monde, Beginner Books. Sa série Beginner Books pour Random House dans les années 60. Il demandait à son rédacteur en chef, Michael Frith, de venir chez lui. Il travaillait jusqu'aux petites heures du matin et quand ils étaient pognés, ben, selon Dr. Seuss and Mr. Geisel, une biographie par Judith et Neil Morgan, Dr. Seuss ouvrait une porte de garde-robe secrète avec des centaines de chapeaux à l'intérieur et chacun des deux choisissait un chapeau, peut-être un fez, un sombrero, peut-être un casque baroque tchèque ou un jouet de plastique, genre un casque de viking avec des cornes dessus. Ils s'assoyaient par terre, se regardaient dans les yeux. Je sais pas si c'était creepy dans ce cas-là. Ouais, aussi. Je sais pas. Hein? Et puis les mots leur venaient éventuellement. Tu connais Bob l'éponge, SpongeBob SquarePants? Je connais Bob l'éponge. Vaguement. Oh, vague. Je le dis d'eau. Incroyable. Donc, le pitch à Nickelodeon était tellement bon que les exécutifs chez Nickelodeon, donc les gens en charge, ont dû se retirer de la pièce parce qu'ils étaient épuisés, parce qu'ils riaient trop fort. Tellement ils trouvaient ça drôle, le pitch. Donc, le pitch de vente là, pour faire, pour mettre en onde Bob l'éponge. C'est trop drôle pour eux. On dirait que ça me laisse sans mots, ça, de savoir ça. Ouais, c'est ça. Bouche bée. Je trouve ça niaiseux comme émission. Mais... Bouche Bob. Bouche Bob. Je l'ai fait-tu? Je l'ai fait pas. Un prisonnier de guerre canin, un chien prisonnier de guerre, enfin une chienne nommée Julie, a protégé ses collègues de se faire battre en attaquant les gardiens de sécurité. Ayant reçu donc une sentence à mort pour mauvais comportement, Julie s'est cachée dans les jungles de Sumatra et a ajouté à sa diète quelques serpents et quelques singes. Après la guerre, elle a reçu la Deakin Medal for Bravery, donc une médaille de bravoure, Deakin. C'est donc la chienne Julie. On peut la voir en photo en train de recevoir sa médaille et serrer la patte. Est-ce qu'elle a une photo avec Hitler? Hitler? Est-ce que c'est Hitler sur la photo? La dernière photo en bas avec la moustache? Ouais. Je crois pas. Ça ressemble pas au visage de Hitler. C'est pas parce que moustache que c'est Hitler. C'est une moustache un petit peu plus large que Hitler. OK. Parce que ça aurait pu être Charlie Chaplin. On vous rappelle que vous pouvez aller voir les photos qu'on commande sur assemblagerequipe.com oui. Si vous voulez voir tout ça. Dans les notes de l'émission du 28 septembre, elles sont placées dans l'ordre qu'on les dit. Donc, suivez l'ordre, là, puis vous allez trouver la bonne photo éventuellement. Avec un petit peu de travail de votre part. Juste un petit peu. Le Melotrias cabra, c'est une vigne, d'accord? Une vigne, donc une poussée, une pousse, une jeune pousse. Qui est qu'on récolte, hein, ouais. Pour, qu'on fait la moisson. En tout cas, on s'en va chercher, on s'en va cueillir. On cueille. Pour avoir un fruit qui est mangeable. Okay? Des fruits de la grosseur de raisin. Okay? Ouais, c'est ça. Ouais, qui goûtent les concombres, un petit peu plus surette. Mais quand on le regarde, ça ressemble vraiment à un melon d'eau. Donc, des noms qu'on utilise, c'est Mouse Melon, donc un melon à souris, hein, pour de grandeur d'une souris. Le Mexican Sour Gherkin, on dirait un cornichon gherkin. Le Cucamelon. Mexican Miniature Watermelon, donc ouais. Un melon d'eau miniature mexicain. Et Mexican Sour Cucumber, un concombre surette mexicain. Une plante qui est native au Mexique et en Amérique centrale, mais vraiment, quand tu l'ouvres, il y a comme des petites graines dedans, comme un melon d'eau. Comme un concombre aussi. Comme un concombre, exactement. C'est impressionnant, je trouve. Ouais, ouais. Tu veux goûter? Penses-tu qu'on pourrait faire pousser ça ici dans notre jardin? Non, sûrement pas. Ça, c'est comme la dernière fois qu'on s'est demandé si le melon d'eau pouvait pousser au Québec. C'est ça. Probablement, si ça pouvait se faire, il l'aurait déjà fait. Peut-être ou on connaissait pas ça. Peut-être qu'on pourrait l'importer. Peut-être. Sous vide. Tu sais, ils ont commencé à importer les mini-kiwis, là. Ah, il y a des mini-kiwis? Ouais. Mais j'aime tellement les kiwis. Est-ce que je pourrais manger des mini-kiwis? Tu pourrais. Wow! En 2006, un groupe d'escaladeurs s'est rendu au sommet de la plus haute montagne en Bretagne, en Grande-Bretagne. Ils ont trouvé un piano au sommet. Il y avait un piano là. Qui amène un piano en haut d'une montagne? Tellement. Donc, des bénévoles qui nettoyaient les pierres de ce sommet à 4418 pieds étaient étonnés lorsqu'ils ont découvert l'instrument musical donc sur Ben Nevis, le nom de la montagne. Le piano a été retrouvé par 15 bénévoles du John Muir... Muir? Du John Muir Trust, prononce correctement. Donc, c'est une œuvre charitable qui est en fait propriétaire du Ben Nevis, le mont Ben Nevis. Ah. L'escouade enlevait les déchets et les pierres, bref, des cairns, qu'on appelle, du plateau au sommet. Lorsqu'ils ont trouvé ce piano-là, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment plus de détails là-dessus. De plus en plus de femmes riches se font faire des chirurgies cosmétiques qu'on appelle Botox. Tu connais le Botox? Ouais. Botox, qu'est-ce que tu penses que c'est? Blue. Ah, ben, les lèvres? Les lèvres de la... Ouais, ça. En haut, là? Oui, en haut. Ah, d'accord. En haut. Oui, parce que l'autre aurait été quand même plausible avec Botox. Ouais, mais ça aurait été vraiment bizarre. Mais les injections de Botox dans le cuir chevelu, en fait. Ah! Ça empêche les nerfs d'activer des glandes de sueur pour qu'ils puissent sortir du gym avec leurs cheveux toujours en aussi belle forme et aussi bien séché qu'il était au départ. OK, c'est niaiseux. C'est un peu n'importe quoi, des Botox. C'est vraiment n'importe quoi. La seule mine de diamants ouverte au public s'appelle Murfreesboro en Arkansas. Non, en fait, Etta Murfreesboro en Arkansas. Les visiteurs peuvent garder les bijoux qu'ils trouvent et plus de 31 000 diamants ont été trouvés depuis que c'est devenu un parc d'État en 1972. Ça donne envie, hein, d'y aller. Tout à fait. Des diamants gratos. Des diamants gratos. Les éléphants sont capables de jouer de la musique avec l'aide du National Elephant Institute et du neuroscientifique David Sulzer. Le Thai Elephant Orchestra a été créé en 2000. Jusqu'à maintenant, ils ont sorti 3 albums. C'est vrai. Avec des éléphants, je te le promets. C'est The Elephant, The Thai, pardon, Thai comme dans thaïlandais, Elephant Orchestra. Et je suis certain que si je visite un petit peu du www.youtube.com. C'est ça que je suis en train de faire. On va aller chercher un. Ben, Colin, qu'on connexe. Est-ce qu'on écoute Funk Queen Sunrise? Vas-y donc. Un peu. Je sais pas s'ils suivent le rythme, mais ils suivent un rythme, en fait. Ben, c'est... Tu sais, à la longue, ça pourrait devenir agressant, comme j'sais ça. Je sais pas, hein? Il y en a mais pour 6 Mais peut-être, tu sais, toi, t'écoutes... Quand on disait l'autre jour, qu'est-ce que t'écoutes quand tu veux être concentré? Ouais. Puis toi, t'écoutes des sons de pluie. Oui. Peut-être que ça te concentrerait. Des éléphants qui jouent. Des éléphants qui jouent de la musique. C'est la musique. Ça consiste en autant que 14 éléphants, c'est pas toujours 14, près de Lampang, en Thaïlande, dans le nord de la Thaïlande, pardon. Ils jouent de la musique en improvisant. Les éléphants, encore une fois. J'espère qu'ils improvisent. C'est ça. Donc, ils ont sorti 3 CD sur l'étiquette Mulata Records avec, c'est ça, un orchestre entre 6 et 14 éléphants. Ils performent présentement pour les visiteurs du centre. Je l'aurais laissé comme fond de la chronique, mais j'ai l'impression que ça va être un peu trop. Ouais. Donc, on va l'arrêter ici et retourner à ce petit. Je suis tout à fait d'accord. Mm-hmm. En 1912, le Japon a envoyé aux États-Unis des arbres. Japanese Cherry Trees. C'était un signe de leur amitié qui grandissait à ce moment-là. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, les cherry trees étaient faibles et malades. Donc, les États-Unis ont envoyé un paquet. En fait, on parle des cherry trees du Japon, au Japon, qui étaient rendus faibles. Donc, les États-Unis ont envoyé des arbres qu'ils avaient reçus du Japon et ils les ont renvoyés au Japon pour redonner de la vie à leurs arbres japonais. Redonner vie. Ouais. Redonner vie. Donc, c'est le National Cherry Blossom Festival, une célébration printanière à Washington, D.C., qui commémore le cadeau du 27 mars 1912 de ces Japanese Cherry Trees du maire Yukio Ozaki de Tokyo City à la ville de Washington, dans le district de Columbia. Le maire Ozaki a donné les arbres pour essayer d'améliorer encore l'amitié grandissante entre les États-Unis et le Japon et aussi pour célébrer la relation entre les deux nations. En 1952, le Japon a demandé de l'aide pour restaurer ses cherry trees à Adachi, à Tokyo, tout au long de la rivière Arakawa. Donc, c'est ça, on a pris des arbres de Washington et on les a renvoyés au Japon. Ah, mais c'est une bonne idée. Cool, hein? Mais ils sont pas morts en chemin. Bah, il a pu mourir en chemin. Alors, je sais pas, mais tu sais, c'est comme les melons d'eau en forme de raisin. Il y a sûrement une façon de faire pour les transporter. Température. Ouais, mais un melon d'eau, tu sais, on s'entend. Du moment que tu l'enlèves de terre, c'est correct. Il peut être transporté. C'est fait pour ça. Mais les camions sont réfrigérés ou réchauffés ou quelque chose comme ça, j'imagine. Pour, ouais, mais un arbre, tu sais, il va arrêter de pousser, il va mourir, non? Tu sais, on s'entend. Dans un là. Pot. Ouais, mais la drive en bateau, là. La drive en bateau. De Washington à Tokyo, de prendre un petit temps, là, amener des arbres là-bas. Je sais pas. Peut-être juste. Peut-être que c'était pas l'arbre au complet. Peut-être que c'était une pousse de quelque chose, une peut-être, racine. Peut-être. Peut-être qu'ils ont. Ouais, peut-être. J'imagine. J'ose espérer, parce que sinon. Sinon, peut-être arbre, qu'ils ont planté le temps du voyage, tu sais, dans un pot. Plante, ça. Non. Non. Sinon, je l'ai pas compris. Vulcan Point. C'est la plus grande île à l'intérieur d'un lac qui est sur une île à l'intérieur d'un lac qui est sur une île. Quoi? Peux-tu répéter? Vulcan Point est une île volcanique, OK? À l'intérieur d'un crater lake qui mesure 2 km de large sur... volcan Thal sur l'île Volcano dans le Thal Lake sur Luzon Island dans les Philippines dans l'océan Pacifique. Donc, dans l'océan Pacifique, t'as une île. Ouais. Dans l'île, t'as un lac. Sur le lac, t'as un volcan. Puis dans le volcan. Le volcan est dans un lac. Le lac est sur une île dans le lac. Et puis là, il y a une île volcanique dans le lac. Tu comprends? Moi, j'ai compris. Je suis pas certaine que tout le monde ait compris. Alors, si jamais vous voulez voir les photos qui expliquent très bien ce que Mathieu vient d'essayer d'expliquer. L'arbre est dans ses feuilles. Marilyn Marilon. C'est un nom, ça? Tu fais-tu de Marilyn Marilon? C'est pas Marilyn Marilon. Marilyn, je pensais pas qu'il y a Marilyn dedans. Mais c'était quoi, non? En tout cas. Changer les paroles. Ouais, on devrait. L'arbre dans ses feuilles. Ah oui, et oui, on chante tout le long de la chronique ici. Ensuite, il y a des espèces de. On va le dire en français québécois, des crosseurs du Nigeria. Ouais. Tu sais, parcourir. Niger? Il y a deux places. Il y en a un qui est Niger, l'autre Nigeria. Il y en a un qui est en anglais. Attends un peu. Nigeria. Marilon, Marilé. Bon, Marilon, Marilé, Marilyn, franchement. Et même affaire. Ah, en tout cas. Marilyn. Non, c'est ça, il y a deux pays, il y a le Niger et le Nigeria. Ah, pour vrai? C'est vrai. Deux drapeaux différents, pas de la même couleur du tout. Bref, des crosseurs de ces endroits-là ont déjà vendu un faux aéroport à une banque internationale majeure, on ne dit pas laquelle, pour 242 millions de dollars. Et la crosse n'a pas été découverte avant 3 ans plus tard. Mais non! Ouais, à une banque internationale. 242 millions, incroyable. C'est qui fly pas pour aller voir où l'aéroport? Non, toi, fly puis drive puis you know. Non, mais tu sais, si tu décides d'acheter un aéroport, va l'avoir pour 242 millions. C'est vrai? Fucking shit! Tu sais, ils l'ont pas fait en 3 ans. C'était pas important, 242 millions, c'est une journée. C'est rien pour eux. Le gérant d'Elvis a déjà vendu, en fait, des badges, des macarons « I hate Elvis » pour faire de l'argent de la part de ceux qui ne voulaient pas séparer de leur argent pour de la marchandise d'Elvis. Ils se disaient « Ben, crime, je vais sortir de la marchandise anti-Elvis. Les gens vont en acheter. » Mais les profits reviennent à Elvis. Ben, c'est ça. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Vivre à côté d'une usine nucléaire pendant un an, ça envoie 100 fois moins de radiation que manger un sac de croustilles par jour pendant un an. Et ça, c'est selon Forbes.com, très réputée source, Forbes.com, magazine financier. Donc, vivre à côté d'une usine nucléaire pendant un an te donne 100 fois moins de radiation que manger un sac de croustilles chaque jour pendant un an. Sur ça, j'ai terminé de manger des chips pour le reste de ma vie. Mais bon, la source, en tout cas, moi, j'y fais confiance. Contrairement au prochain, un peu, non, c'est pas vrai. les autres ont aussi des sources, en fait. Donc, Annie Taylor était la première personne à réussir à descendre Niagara Falls, des chutes Niagara. Elle a utilisé un baril fait juste pour elle, rempli d'un matelas à l'intérieur, OK? OK. Elle a testé en envoyant un chat dans le baril sur le matelas. Mais j'ai bien méchant. En bas des chutes, oui. Le chat a survécu. Et 2 jours plus tard, elle a fait le voyage elle-même dans le baril lors de son 63e anniversaire. Elle s'est dit, si le chat survit, moi, je vais survivre. Moi qui pèse beaucoup plus lourd que le chat. Mais bon, le chat, je veux dire. Il faut que tu sois déterminé quand même pour décider de sauter... dans un baril, les chutes Niagara. Ouais. Mais elle est passée à l'histoire, Annie Taylor. Les portes de réfrigérateur magnétiques, existent parce que les enfants se faisaient prendre à l'intérieur des réfrigérateurs et suffoquaient. Rie pas de ça! Tu ris des chats qui tombent dans les chutes Niagara, tu ris des enfants dans les frigidaires. Tania, je suis le désolée. Petit Jérémy, tout. Aucun commentaire à faire. Quelle mauvaise collègue. Avant, donc, le Refrigerator Safety Act en 1956, les portes pouvaient seulement être ouvertes de l'extérieur et plusieurs enfants se faisaient prendre dans les réfrigérateurs parce qu'ils trouvaient des réfrigérateurs abandonnés et ils se prenaient à l'intérieur en jouant à la cachette, ils ouvraient la porte de l'extérieur. C'est les grosses poignées qu'on voit dans les films. Ouais. Les grosses poignées qui font que clac. Et ils entraient dedans pour jouer à la cachette et ils ne pouvaient pas en ressortir. Comment est-ce qu'ils pouvaient aller se cacher dans un réfrigérateur? Pour aller voir si la lumière s'allumait, s'éteignait. Non, mais tu sais, tu dis qu'ils jouaient à cache-cache dans le fridge. Ouais, parce qu'il était. Les fridges étaient grands dans ce temps-là. Ils étaient grands, puis les enfants sont petits, puis il n'y a peut-être pas autant de tablettes dedans. Peut-être qu'ils ont enlevé les tablettes. Que de questions? T'es vraiment une fille curieuse? Je suis très curieuse. J'aime ça. J'aime avoir une réponse claire à mes questionnements. T'as dit ça quand j'ai pas les réponses? C'est ça. Moi, aujourd'hui, je dis t'aimes-tu ça sans cesse? La phrase, c'est aimes-tu ça? Aimes-tu ça? Est-ce que t'aimes ça? DJ Grand Wizard Theodore, DJ Grand Sorcier Théodore, a inventé le scratching de vinyle. Quand sa mère est entrée dans sa chambre pour se plaindre du bruit qu'il y avait, il écoutait des vinyles. Il a mis sa main sur le disque pour l'arrêter, pour l'empêcher de tourner, et il a été intrigué par le bruit. Et c'est comme ça qu'il a inventé le scratch. C'est cool, hein? Il est souvent fait crédité pour ça. C'est lui qui a créé ça? Bon, on le crédite. Ça veut pas dire que c'est nécessairement le premier à l'avoir fait, là. Mais il jouait de la musique à plein volume dans sa chambre et sa mère aimait pas ça. Après des mois d'expérimentation, il a amené sa technique à un party et le scratching est né. Plusieurs formes de musique populaire depuis ce temps utilisent cette technique. Hmm. 44% des gens qui n'ont pas évacué leur ville pour l'ouragan Katrina sont restés derrière parce qu'ils ne voulaient pas abandonner leurs animaux de compagnie. Ce qui a amené plusieurs changements aux règles, aux lois d'État et lois fédérales par rapport à l'évacuation des animaux de compagnie lors de désastres. La Louisiana State Police, la police de l'État de la Louisiane, a annoncé donc que tout le monde devait quitter la Nouvelle-Orléans d'ici 17h, le jour d'ouragan Katrina. Et l'évacuation, l'aide aidait seulement les gens. Donc, et l'évacuation n'incluait pas les animaux. Donc, basé sur un sondage conduit par le Fritz Institute, 44% des gens qui ne voulaient pas évacuer pour Katrina, c'était à cause de leurs animaux. Donc, la SPCA de l'endroit, en Louisiane, a réussi à faire du lobbying pour passer une loi, le projet de loi Bill, Senate Bill 607, le Pet Evacuation Bill. la facture d'évacuation de Fertilance. Oui. Non, c'est pas vrai. C'est un projet de loi donc d'évacuation des animaux de compagnie. Si on le traduit correctement. Maintenant, les gouvernements de tous les niveaux, de tous les paliers, doivent inclure les animaux de compagnie dans leur plan d'évacuation. Depuis ce temps-là. Ah, mais si tu le trouves pas, là, ton chat. Ouais. Ça s'attend, là, si t'as un chat qui sort dehors. Ou. Tu sais, moi, j'ai pas de chat, là, dans la vie, parce que je suis allergique aux chats. Ouais. Je connais pas vraiment le quotidien d'un chat, mais tu sais, ça a tout en l'air caché quelque part. Le chat, tu dis. Vas-tu vraiment prendre le temps de le trouver? Ouais, je sais pas. Je sais pas c'est quoi. Il faudrait que j'aille lire le projet de loi, là, mais peut-être que c'est genre, s'il y a un animal, tu dois le sauver. Si tu vois un animal. Ouais, sûrement. Peut-être. Est-ce que tu connais le Delayed Sleep Phase Disorder? Non. Désordre du délai de la phase de sommeil. On prend souvent ça pour de l'insomnie. La personne est incapable, en fait, est capable de dormir 8 heures complètes, mais pas au même moment que les autres. Ah, je dois souffrir de ça. Ah ouais. Ou peut-être que t'es forcé parce que t'arrives le matin. Ouais, peut-être. Donc, les gens affectés vont souvent dire que, c'est ça, ils n'arrivent pas à dormir avant tôt le matin. Ils s'endorment à environ à la même heure à chaque jour. Donc, en plus de DSPD, les patients peuvent dormir très, très bien, avoir un besoin normal de sommeil. Par contre, ils se trouvent que c'est difficile de se réveiller à l'heure qui est typique pour l'école où ils travaillent. S'ils ont le droit de suivre leur propre horaire, donc mettons l'été ou en congé ou peu importe, ils vont dormir de 3h du matin à midi. Ils vont très bien dormir, ils vont se réveiller spontanément sans cadran. Ils vont pas s'endormir pendant la journée. Hein. Hey, je te le dis, je suis sûr que je souffre de ça. Je crois que moi aussi. Je crois qu'on va à contre-courant, à contre ce qu'on devrait faire. Nous, ouais. Moi, parce que j'ai passé beaucoup de temps à me coucher très tard, ouais, puis me lever très tard. Puis... Oiseau de nuit. Ou me coucher très tard et me lever très tôt, j'avais aucun problème. Mais si je me mets une routine de sommeil, j'ai besoin de café ou demi-heure. Je te comprends. Il nous reste 1h30 avant le café. Une prison, on va terminer bientôt. Une prison chinoise a installé en fait de mini-villes, des villes miniatures fausses dans ses murs pour aider les prisonniers en fait à s'ajuster à la vie moderne. C'est un campus dans la prison avec un petit supermarché, un café internet et une fausse station de métro pour les réhabiliter tranquillement, pas vite, pour qu'ils soient plus confortables avec la vie. Technologie moderne, ils sont en prison depuis longtemps, qui n'ont pas vécu la technologie moderne. Donc, ils ont construit cette mini-ville. Des structures qui sont faites pour les prisonniers qui ont passé les 20 dernières années en prison et qui n'ont aucune idée des développements qui ont pris place à l'extérieur des murs de la prison. Est-ce que tu crois que ça fonctionne mieux? D'après moi, oui. Au moins savoir comment les choses se font, où s'arrêter devant une porte de métro. Non, mais tu sais, est-ce que tu crois qu'ils arrêtent d'être des grands criminels à cause de ça? Ah, ça, je suis assez de naturel, il revient au galop. Ouais. Faut pardonner dans la vie, mais quand t'as l'âme, la fibre d'un criminel, j'ai pas l'impression que tu vas peut-être continuer des petites affaires. Peut-être pas tuer du monde. C'est ça. Je sais pas si tu peux t'en empêcher tant que ça, vu que c'est inné, il me semble, non? Mais je pense que sûrement oui. Que c'est complètement faux ce que j'avance, mais il me semble que... moi, je regarde beaucoup d'émissions de prison, des lock-up à TV, quand, là, c'est bon, ces affaires. Les criminels sont pas mal toujours pas là pour la première fois, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est des récidivistes. Ou tu sais, du moment qu'ils ressortent, tu les revois revenir pas trop trop long après. C'est pas mal ça. Comme dans CSI. CSI. CSI. On a parlé de lune rouge tantôt. Oui. Pour voir un arc-en-ciel lunaire. Connais-tu ça? Ah non! Un moonbow. Je ne connais pas. La lune doit non seulement être pleine, elle doit aussi être à moins de 42 degrés dans le ciel. Okay. 2 à 3 heures avant le lever du soleil, et bien sûr, il doit y avoir de la pluie ou une petite brume qui tombe exactement à l'opposé de la lune à ce moment précis-là. Et ça fait une lune la nuit. Un arc-en-ciel, la nuit. Un moonbow. Ça existe pour vous. Ah, ouais. Les photos sont sur assemblagerequis.com. C'était quand même impressionnant. Mais les photos ont l'air photoshopées. Ouais, les photos ont sûrement été ajustées côté couleur, là, mais en tant que tel, c'est supposé être un vrai arc-en-ciel. C'est cool. De lune. Cool. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Voilà. On a une pause à prendre. Et après ça, ça va être Tania qui va nous divertir pour la prochaine demi-heure. Après moi, là, ça va être toi. Oui. Tout un privilège, hein? Je sais pas si on va réussir à faire une demi-heure. Oh, on va se trouver de quoi dire. Je fais exprès pour durer plus longtemps, mes collègues. Ben oui, on aime ça. Au retour, donc, Tania is gonna entertain you à Assemblage Rookie. Assemblage Rookie pour toi aujourd'hui. C'est fou, 89 ans. Assemblage Rookie est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce lundi 28 septembre 2015. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Ah oui. Tu sais, là. J'ai parlé pendant une demi-heure. Ouais. Presque. Presque. C'est à ton tour de parler pendant une demi-heure. Ou presque. Peut-être un peu moins. On va tricher. On jouera de la musique après. C'est le moment de se divertir avec Tania Baudin. Voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Salut Tania. Hey, salut Mathieu. Elle est où, t'as comme plein de sujets aujourd'hui à nous dire, puis après ça, tu dis que tu nous auras pas une demi-heure. Rien, non? Ouais, c'est vrai, hein. En fait, j'ai plein de sujets, mais. Ça veut pas dire que je vais en parler longtemps, moi, c'est ça. OK, je vais t'aider à remplir, moi, tu vas voir. C'est correct, ça, c'est correct. Mais je l'ai dit en début d'émission, vendredi dernier, c'était le, si je ne m'abuse, le 24e Salon des vins de Trois-Rivières, présenté par la financière Banque nationale et Banque nationale, comme le disait si bien la publicité. Alors, je me suis rendue du côté du CAPS. T'as fait trois pas, littéralement. Là. Ouais, c'est ça. J'allais du côté du CAPS de l'UQTR pour voir ce qui se passait de ce côté-là. En même temps, C'est fou couvrait l'événement côté musical. Donc, C'est nous qui avons présenté la musique de cette belle soirée. Alors, je me suis dit, pourquoi pas faire le tour, découvrir un petit peu les vins, les différents exposants de la place. Évidemment, il y avait l'incontournable... Marché du Boisé de Trois-Rivières qui était là avec ses bières tout à fait différentes les unes que les autres. Ouais, des bières de microbrasserie. Oui, exactement. Si je me souviens bien, ça s'appelait la Crumble. Crumble? Ouais, je vais voir pendant ma chronique là, en même temps que je suis en train de taper sur Google, mais si je me souviens bien, c'est la Crumble que parce que j'étais accompagnée de ma mère évidemment. Oui. J'ai décidé d'amener ma mère au Salon des vins. Alors, on a dégusté cette... Oui, c'est ça. On a dégusté cette petite bière blonde qui est très, très, très, très bonne. Et elle se fait aussi en bière sans alcool. Donc, c'est vraiment le fun pour les gens qui veulent pas nécessairement boire une bière de microbrasserie. Parce que la plupart du temps, les bières de microbrasserie sont... plus fortes. Donc, elle se fait à 0,5% d'alcool quand même. Donc, c'est bien. C'est ça, presque. Mm. C'était très bon. C'était frais dans la bouche, comme il dit. Rafraîchissant. C'était rafraîchissant. Je t'explique ma situation, Mathieu, un petit peu. Parle-moi de ta situation. On parle de situation psychologique, situation amoureuse. Non, pas à ce point. On n'en discutera pas aussi loin que ça. Mais j'ai dégusté... T'es pas enceinte toujours comme non, Steph, non, tu hey boy, hey. Non, on s'est calme. Pas besoin d'une deuxième Steph, là. Je te parle en fait de deux vins blancs parce que tout simplement que je trouve ça plus facile à digérer les vins blancs et j'aime mieux le goût des vins blancs. C'est plus sucré un peu. Oui, c'est plus sucré tout dépendant de quel vin on parle. Ouais. Évidemment, il y a des vins blancs qui sont quand même assez secs. Mais c'est frais. J'avais goût de prendre quelque chose de frais. Alors, moi, j'ai regardé les vins blancs et ma mère avait regardé les vins rouges de ce côté-là. Bon. Alors, pour le premier vin que je vous présente, ça s'appelle le Lumina. C'est un Rufino. J'ai resté surprise, par exemple, parce qu'on lisait justement... J'ai la petite pancarte ici, si tu veux lire. Ah, t'as regardé les petits papiers, c'est bien. Alors, si tu lis sur la petite pancarte, c'est marqué que ça a des accents de poire, de pomme jaune. Deuxième fois que tu dis pomme. De pomme, ouais, je sais. Assemblage. Je pensais que ça fait la même chose. Donc, on goûte vraiment la poire dans ce vin-là. Quand il est venu le temps de juste sentir le vin, là, je me suis pas pris pour une grande connaisseuse de vin, là, comme on le disait jeudi avec Justine que je parlais encore de vin, mais... On sentait vraiment l'accent de la poire. On sentait aussi vraiment l'accent de la menthe parce que ça dit que ça a des notes de menthe. C'est moyennement corsé, mais acide. Et qu'il y a des notes de citron lorsqu'on termine la gorgée. Et mon Dieu, ce qui est écrit sur la petite pancarte, c'est vraiment vrai. Tu sais, des fois, on va lire une description de vin puis on va se dire, ben, tu sais, je le goûte pas, là. Ouais. Mais... Non, tout ce qui est écrit sur cette pancarte-là, tout ce qui est écrit sur cette description de vin-là est vraiment là quand tu prends la première gorgée de ton vin. Une paume puis une gourgée. Wow! Mais t'as vu, c'est excellent pour les fruits de mer, pour les griller aux salades? Ben, c'est ça! Hey, je m'en allais justement dire avec quoi est-ce que ça s'accorde bien. Voilà. Merci, Matt. Ça s'accorde super bien avec les fruits de mer, évidemment, tu viens de le dire, avec les petites entrées aussi légères. Si tu dis, on va faire un petit tapas ou encore un petit bruschetta, mais t'as pas vraiment... nécessairement le goût de présenter un vin rouge avec ça si jamais tu as un souper avec des amis. Moi, je le vois comme un vin qui peut très bien se boire à une soirée entre filles. Ah. Tu sais, ça peut faire une très belle équivalence à un rosé, exemple. Mm-hmm. Tu sais, il y a beaucoup de connaisseurs de vin qui vont dire que les rosés, c'est pas vraiment du vin. Moi, j'ai déjà ça entendu reste bon ça. Dans la bouche. Oui, c'est ça, j'ai déjà entendu ça récemment. Mais non, je trouve que ça pourrait faire une belle alternative justement à un rosé, à une soirée entre filles. Tu te dis que c'est un petit peu fruité, mais c'est quand même assez corsé. Tu sais, c'est pas très très, tu sais, quand ils disent léger et délicat là, sur les la petites pastilles. Tu sais, des fois, je me dis, ouais, mais c'est quoi être léger et délicat? quand lui, quand même, il est un petit peu corsé, il est un petit peu plus sec. Moi, personnellement, j'aime bien les vins blancs qui sont quand même secs. Alors, j'ai bien aimé ça. Le Lumina de Rufino, c'est un vin d'Italie, un cépage de Pinot Grigio. Ça a 12 % d'alcool. Et on parlait de pastille. Elle, la pastille est quand même délicate et léger. Okay. Par contre, lorsque la personne qui était au kiosque de présentation me l'a présenté comme un vin qui était quand même sec. C'est bizarre, hein? Ça veut dire, qui a décidé que la pastille était... Qui décide des... Il y a un comité Moses de pastille de SAQ qu'on comprend pas. Qui décide de mettre le logo 18+ dans le coin pour dire t'as pas le bord du vin, c'est plus jeune que 18? Ben d'après moi, c'est parce que c'était présenté dans une université. Ah, c'est ça, hein? Parce qu'il était très, très petit, le 18+. Ouais. Hey, comment tout le monde en parle? J'ai une carte pour toi. Oh, t'es donc bien fin, merci. Hey, c'est voilà la carte que tu m'as donnée dans toi. Alors, comme on le disait, c'est un Lumina Rufino. Pastille délicate et léger. Si vous la cherchez à la SAQ, évidemment, ça va se trouver dans la section des vins blancs. Oui. Ça se détaille quand même à 14 $ pour le 750 ml. Par contre, je vous dirais que ça vaut le coup. Je l'ai dit encore, là, je ne suis pas une grande connaisseuse de vin. Là, ça fait pas mille milliers de vins différents que je goûte et que je suis assez connaisseuse pour vous dire, « Ah, mon Dieu, ce vin-là est beaucoup meilleur que ce vin-là. » Mais je vous dirais que si vous hésitez entre ça puis du barefoot, mettons, le vin blanc barefoot, moi, je vais aller vers le Lumina Rufino, simplement pour les touches qui sont beaucoup plus accentuées que dans le barefoot. OK, plus évident. Plus moins évident, subtil. Moins subtil, beaucoup plus goûteux. Parce que c'est bon quand même du barefoot. C'est bon quand même du mais barefoot. C'est comme un barefoot de luxe. Je te dirais que c'est encore plus que du barefoot, mettons, là. Ouais. Tu sais, exemple que... Du barefoot, je mangerais... Je le boirais pas nécessairement en mangeant, tu sais. OK, OK. C'est juste pour te saouler, mettons. Je pourrais commencer par le Pinot Grigio que t'as mentionné là, le lumineux. Ouais. Tu sais, on dit souvent, j'en bois une bonne première bouteille de vin, puis quand t'es rendu sous, c'est moins grave, qu'il soit moins bon. C'est ça, exact. Le barefoot pour le reste. Fait, exactement. Tu sais, avec... Parce qu'on peut mélanger le blanc puis le rouge, on sait ça. Non. Hey, est-ce que tu sais c'est quoi le dicton? Oui, non, mais c'est les appendices, hein, c'est ça? C'est blanc sur rouge, rien ne bouge, et rouge sur blanc, tout fout le corps. Voilà. Et c'est vraiment vrai. Le sketch est excellent, des appendices de ça. Ah, j'ai jamais vu le sketch des appendices là-dessus. Par contre, ma mère, merci à ma mère qui m'a répété cette phrase tant de fois. Et à chaque fois que j'arrive pour boire du vin, je fais comme rouge sur blanc, blanc sur rouge. Je vais prendre cette bouteille-là d'abord. Pour être certaine que tout reste dans mon estomac. Ah, c'est une bonne idée, ça. Oui. Mais ce qui restera pas dans ton estomac, c'est ton prochain. Là. Hey, ben. Non, celui-là va rester parce que, oh mon Dieu. Tout d'abord, merci au monsieur du kiosque qui me l'a fait déguster sans que je lui donne de petits coupons, parce qu'on le sait que au Salon des vins, c'est tu paies ton billet, mais tu reçois des coupons de dégustation. Ah, que c'est facile d'être une fille, hein? Hey, le pire, c'est que c'est pour ça qu'il me l'a fait goûter gratis. Genre de pas du tout. Hey, j'étais donc contente parce que je suis agréablement restée surprise. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous dirais que la description, quand même bien qu'on chercherait sur le site de la SAQ comme on cherche sur Internet, exemple, et pas une description quand même assez détaillée. Là. On n'a pas beaucoup de descriptions ou d'informations sur ce vin-là. Par contre, c'est excellent. Et là, je le cherche à ce moment même. OK. Parce que je l'ai trouvé sur le site de la SAQ tout à l'heure. Je voulais voir les accords qu'il pouvait y avoir. Mais même là, le site de la SAQ ne donne pas vraiment d'accord que tu pourrais avoir avec ça. Alors, je me suis dit peut-être que d'aller sur un autre site Internet. Et là, je suis sur le site lagrandedégustation.com. Et ça donne pas plus de détails. C'est le boire donc, tout seul. Ben, c'est peut-être que ce que je me dis, puisque c'est un vin mousseux. Ah oui, OK. Oui. C'est pour célébrer, t'es pas supposé manger tant que ça. Ben, ça dépend, tu sais, exemple. Partie du jour de l'an. Partie du jour de l'an, ou si jamais t'as le goût d'un brunch entre amis, maison, de faire des petits mimosas, je te dirais que peut-être que tu vas payer ton mimosa cher personnellement pour ça. Par contre, ça vaut la peine parce qu'il est très, très bon. On peut pas les acheter avec des coupons à SAQ, hein? Non, malheureusement, ils veulent pas. Alors, c'est un Umberto Cesari Tunetta Lovia. C'est très long, mais sur la bouteille, c'est marqué Lovia. Et la compagnie, c'est Umberto Cesari. Et évidemment, vous l'avez deviné, c'est un vin d'Italie, de la région de Émilie-Romagne. Et c'est un producteur qui est très aimé des Québécois. C'est ce que j'ai pu découvrir sur Internet en cherchant un petit peu plus profondément sur le vin en tant que tel. Et aussi en discutant avec le gentil monsieur qui était à la table de dégustation au Salon des vins. Il nous disait justement que le Québec aime beaucoup, beaucoup les vins que cette compagnie-là produise. Et les font beaucoup, beaucoup importer parce que justement, les Québécois aiment ça et en redemandent à chaque fois. Donc, évidemment, si vous le cherchez à la SAQ, vous seriez capable de le trouver. La bouteille est noire. Ça a vraiment l'air d'une bouteille de champagne. La bouteille, elle est noire avec une étiquette argentée dessus. Vous allez pouvoir voir, c'est marqué Lovia en blanc. Et, L-O-V-I-A, faut le dire. L-O-V-I-A, oui, tout à fait. C'est très bon. C'est très bon, Mathieu. Et j'essayais de me remémorer le moment où que je l'ai dégusté. À quoi est-ce que ça goûtait? Te remis Mozart. De me remis Mozart. Ah, comment? Mais tu sais, tout à l'heure, on parlait de poire, on parlait de menthe. Ouais. C'est tout à fait différent. Tu sais, on peut pas... Évidemment, le vin, c'est fait avec des raisins. Là, on peut pas démentir la chose. Mais je te dirais qu'il y avait quand même un petit côté agrume à tout ça. Bien évidemment, j'en ai pas discuté avec le gars parce que je le buvais en regardant d'autres kiosques. Alors, tu n'as pas avoir l'air d'une agrume qui connaît rien? Évidemment, aussi. Une espèce d'agrume? Aussi. Mais c'était très bon, c'est très rafraîchissant malgré le fait qu'en temps normal, quand tu dis que c'est un vin mousseux, ça va être quand même assez sec. Mais c'était très, très bon. Ça se boit bien, comme je le disais, au déjeuner et à un brunch. Si jamais vous voulez en faire des mimosas tout à l'heure, je vous disais que c'était quand même assez dispendieux parce que c'est 29 $ la bouteille. Hey boy! C'est quoi, trois quarts de litre encore? Attends, je vais aller voir. Si je me souviens bien, c'est un 750 millilitres. Un trois quarts de litre? Ça coûte cher. Et 750 millilitres pour 29,75 à la SAQ. Évidemment, on n'achète pas des mousseux à chaque occasion. C'est pour les grandes occasions. C'est pour les grandes ça occasions. Ça se fête. Tout à fait. C'est 11% d'alcool. C'est moins fort que l'autre de tout à l'heure. Okay. Mais comme je disais, si jamais tu te fais un brunch demain matin là, avec ton chat, là, bon ben... Tu sais, je te dirais de peut-être aller chercher un jus d'orange qui va équivaloir ce que tu bois en vin. Okay. Tu sais, j'irai pas mettre du oasis mandarine et pomme et en tout cas, je t'ai et orange. Depuis que tu m'as insulté. Je voulais pas t'insulter, voyons. Si tu décides de faire des brunchs avec ton chat, c'est ton chat. Non, moi je fais des brunchs avec bien des gens, tu sais. Mais oui. C'est ça. Il faut. Tu sais, si jamais t'as quelque chose à fêter, si jamais t'as le goût de pop de champagne demain à la huître. Okay. C'est demain ou ce soir? C'est ce soir. C'est ce soir. Si jamais tu veux pop de champagne à la huître, pour le début ce de la soir, saison, bonne idée. C'est la bouteille que je te recommanderais. C'est très, très bon. Un Lovia. Et on se rappelle, en fait, le Salon des vins, c'est une présentation qui est faite pour toutes les équipes sportives de l'UQTR. Évidemment, tous les fonds vont à la fondation de l'UQTR, donc ça aide à offrir des bourses d'études aux étudiants athlètes de toutes les disciplines des équipes de l'université d'ici. Ça offre aussi une occasion aux exposants de rencontrer la communauté, de tisser des liens, ou aussi de rencontrer des gens de la communauté d'affaires de la Mauricie. Tu sais, veux pas si les exposants sont là, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont là de différentes compagnies, de différentes entreprises. Alors, c'est la place à être si jamais vous avez des liens à tisser en affaires et tout ça. C'était vendredi, c'est terminé. Ah, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y aller. Dommage pour vous. Dommage pour vous. Par contre, je suis persuadée que le 25e l'année prochaine va être grandiose parce que cette année, il y avait la roulotte au pied de cochon et les gens se sont rués, oui. Ma foi, à la roulotte. Il y avait tellement de gens qui mangeaient des poutines au foie gras et tout ça. J'ai pas dégusté parce que je m'en allais manger quand j'y suis passée. Par contre, l'odeur n'était pas désagréable. Ça doit pas. Ah, il y avait un concours pour nommer la roulotte du pied de cochon. J'avais participé à ça, mais je me rappelle pas du mot que j'avais fait. Ben, c'est au pied de cochon. Je sais, quand je suis passée devant, c'est vraiment marqué la roulotte au pied de cochon. Ouais, tu vois qu'il n'y a pas eu de gagnant de ce concours-là. Ils ont juste ça la doit pas. Roulotte au pied de cochon. Ouais, c'est ça. Pas se casser la tête, je sais pas si c'était Pig Pocket ou quoi. Là, je me rappelle pas c'était quoi. Peut-être comme un Pig Wheel. Comme un peut-être. Pig Wheel, mais un Pig Wheel à place. Ben oui. Ça devait être ça, mon jeu de mots. Hey. Ouais. Hein? En début d'émission, je vous disais aussi que j'allais parler de hockey. Évidemment, on vient de parler du 24e Salon des vins qui était en collaboration avec la Fondation des Patriotes. Alors, bien évidemment, le hockey dont je vais vous parler, c'est le hockey universitaire. Ben oui. Hier après-midi, les joueurs de l'équipe de hockey masculine, parce qu'on n'a pas de hockey féminine non. Ici à l'UQTR, ont affronté les Redmen de McGill. Et ça fait combien d'années que... La vérosité, ouais, c'est ça. C'est grand, là, la bataille entre McGill et l'UQTR. Eh bien, sachez que les joueurs des Patriotes de l'UQTR ont réussi à remporter la partie 4-1 sur les Redmen de McGill dans un match hors saison. Alors, quand même, ça, en bon anglais, on dirait ça set le pace pour la saison ça complète. Prépare ouais, terrain, c'est ça. Ça prépare le terrain, ça montre à quel point nos joueurs sont quand même prêt à la saison, qu'on soit en match préparatif, hors saison, mais qu'on soit quand même capable de vaincre Redmen de McGill, c'est bon. Ouais. C'est très bon. McGill est une très bonne équipe dans le classement général en temps habituel dans cette catégorie-là universitaire. Alors, qu'on soit capable de le faire, c'est excellent. Mais je vous invite surtout mercredi, s'il y en a ici à l'université qui nous écoutent présentement, mercredi à 17h, c'est encore un match préparatif hors saison, mais les joueurs de l'Université de Trois-Rivières vont affronter les joueurs de la Ligue nord-américaine de hockey de Trois-Rivières. Donc, le Blizzard de Trois-Rivières et les joueurs des Patriotes vont faire un match historique, appelons-le comme ça, au Colisée de Trois-Rivières. Il va y avoir un tirage au sort à savoir quelle équipe va être locale, parce qu'évidemment, les deux équipes sont locales. Donc, mercredi, si vous cherchez quelque chose à faire après vos cours, c'est au Colisée que ça se passe. Il devrait y avoir beaucoup de monde. On le sait, le Blizzard, ça attire beaucoup de gens, mais aussi le niveau de joueurs et le niveau de compétition universitaire. Moi, je te dirais, ça va être très intéressant à voir parce que du côté du Blizzard, ça joue très, très rough. C'est très contact. En temps normal, les joueurs peuvent se battre. Ils peuvent dropper les gants, comme on dit au hockey. Mais du côté universitaire, ça patine tellement vite et les gars sont tellement en forme, les passes sont tellement directes. Notre équipe est quand même très bonne ici à l'université. Et de voir ce match-là, en fait, Blizzard-UQTR, ça va être très intéressant. Alors, je vous le rappelle, si vous êtes du côté de Trois-Rivières cette fin de semaine, pas cette fin de semaine, mais cette semaine, mercredi, 17h, c'est du côté du Colisée que ça se passe. Cool! Soyez-y. Hey, j'ai fait 26 minutes, je peux se faire. C'est pas pire pantoute, ça. T'as commencé en retard. Hein? Ouais, je commence en retard. Mais ça va. Ça va. L'important, c'est de nous rendre jusqu'à la prochaine pause. Hein? Ben oui! Merci, Tania. Hey, merci, Mathieu. Les liens sur la page Facebook, Jean-Jean? Oui, le lien sur la page Facebook, je vais vous mettre ça. Puis je vous rappelle aussi, jeudi passé, j'avais présenté la page Facebook SAQ Express Laurier. Oui, oui, oui. Bien, si jamais vous voulez encore faire un tour, parce qu'on vient de parler du Salon des vins, ce sont des vins qui sont présentés par la SAQ, évidemment. Alors, si jamais vous voulez aller voir cette page Facebook-là, SAQ Express Laurier sur Facebook. Fantastique. On s'en va écouter une pièce qui résume... La fin de semaine. Voici dans le Dallo. J'ai trouvé quelque chose à dire. T'as joué au bowling? Assemblage requis. Jusqu'à 9h30. Au retour, David Ferron. Oui! Avec sa superbe chronique Carte bleachée. Restez là. Assemblage requis, au retour David Ferron et sa carte beach. Cheers. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. C'est fou, 89.1 FM. 89.1 FM. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce lundi 28 septembre 2015. Tania Baudin est là. Oui, avec Mathieu Plante. Mais je dois m'excuser, du moins rectifier le tir. Okay. Semblerait que j'ai dit que la partie de mercredi est à 17h. Au moins deux fois, mais c'est... C'est un peu de bonheur pour toi. Ouais, c'est 19h30, je suis désolée. Je croyais que je disais 19h30 dans ma tête. Vous voyez à quel point il me manque du café le matin. Fait que t'as dit 17h. T'as même pas dit 17h30. Au moins, si t'avais dit 17h30, c'est comme 7h30, tu sais, mais avec un 1 en avant. Toi. Ouais. Fait que t'as ouais, comme deux erreurs en même temps. C'est comme une erreur, mais pire que... Tout à fait. Ouais. Bref, good job. Hey, au moins, je rectifie le tir. Hein? Merci, Tania. Merci, Mathieu. Très bien dit. Est-ce que tu as vu à ta gauche, ma droite, la diagonale des auditeurs sur la caméra 3? C'est, il est rendu en dessous de la table. Il est rendu en dessous de la table. Il faut tout le temps le suivre. Il y a un GPS dessus parce que sinon, tu le perds. C'est comme un petit chien. S'il dépasse une certaine ligne, Il va se le faire dire avec un choc dans le cou. Moi, c'est ça. C'est David Ferron. Voici la carte bleachée. Salut David. Ça va bien toi ce matin aujourd'hui David? Eh oui, ouais. Vous deux, comment ça va? Ça va super bien. Yay! C'est chill, c'est nice, c'est swag. Yay! La carte bleachée, rappelle-nous pour les gens qui ont manqué ta chronique il y a deux semaines, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ben la carte bleachée, excusez-moi. Bleachée. Donc. C'est pas le même genre de carte. C'est la carte bichée, donc on flatte la biche dans le sens de la poêle, du poil. Hey, j'ai de la misère avec mes féminins masculins le matin, ça va pas bien. De la poêle. Oui, c'est un nom d'un rappeur de la poêle. Ah, c'est bon ça. Ça se pourrait. De la poêle, hey, c'est malade. On part une page Facebook, on te déguise en rappeur. Hey, oui, excellent, un autre personnage. Génial. Oui, c'est Marie Melon qui se convertit. Ah oh ouais, Marie Melon. Oui. Tania ne connaît pas encore Marie non. Melon. Non. Est-ce ça viendra. Ça viendra. Est-ce que tu veux y présenter? Non. Non, une autre fois. Non, elle est encore dans le coma. C'est ça, parce que Marie Melon, c'est un personnage assez bizarre. Ah, OK. Avec des tétines au bout de ses petites mains. Et le problème, c'est que Marie Melon, en fait, la croissance de ses bras est proportionnelle à celle de son cerveau. Oui. Fait que le cerveau est petit. OK. Ouais, bref, c'est pas de Marie Melon qu'on parle, c'est de musique en général. Oui, hein? Ben en fait, la carte bleachée, c'est comme une carte blanche, mais je veux tellement que ce soit une chronique décapante qu'elle va vous en faire voir de toutes les couleurs. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelée carte bleachée et non carte blanche. C'est parfait. C'est vraiment parfait, ça. Ouais. J'aime bien le mot. Bleachée, je sais que c'est anglophone, mais en tout cas, oh, on ben va là, pardonner. Hein, ben, oui. C'est ça, David Ferron, on le dit en français, fait que le reste, c'est correct. Si un mot est en anglais, c'est pas grave, là. Le reste est en français. Donc, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui dans ta chronique, David? Ben, de deux choses. L'une. Ben, en fait, la deuxième chose que je vais parler plus tard dans ma chronique, c'est Flo Morrissey, une jeune femme de 20 ans qui a l'air d'avoir 12 ans ses photos, mais qui a une vieille âme de au moins 70 ans. OK. Donc, vraiment, un univers musical très intéressant. Et l'autre chose, c'est que, oui, vos chroniques sont très intéressantes. À vous deux, Tania et Mathieu, sauf que je trouvais qu'il manquait des sections importantes qu'on retrouve dans n'importe quel journal ou quotidien, comme la météo, la nécrologie. Oui, okay. Alors là, j'ai décidé de faire une chronique météo. Wow! Oui! J'ai pas de thème pour ça, mais attention. Météo! Oh wow, plein de sensualité qui déborde dans vos gorges. Surtout de l'autre bord de la table. Ah oui. Ou comme Marie Melon dirait. Ah oui, l'image est vraiment là pour les gens. Les gags visuels. Ah, ça revient dans la mémoire de Mathieu. En fait, c'est ça. Pour commencer ma chronique météo, en fait, c'est issu d'une mauvaise expérience. Okay. Donc, un jour, je me lève, oui, un beau jour ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi quand ce nez semblant crever le ciel et venant de nulle part surgit un aigle noir, lentement les ailes déployées, lentement je le vis tournoyer près de moi dans un bruissement d'ailes. Comme tombé du ciel, l'oiseau vint s'opposer, il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit à son front brillant de mille feux. L'oiseau roi couronné portait un diamant bleu de son bec, il a touché ma joue de ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu sur le sens du passé, il m'était revenu. L'oiseau dit, amène-moi, retournons au pays d'autrefois comme avant dans mes rêves d'enfant pour cueillir en tremblant des étoiles comme avant dans mes rêves d'enfant, comme avant sur un nuage blanc, comme avant allumer le soleil, être faiseur de pluie, faire des merveilles. L'aigle noir dans un bruissement d'ailes prit son envol pour regagner le ciel. Ouh, un beau jour était-ce une nuit, prenant là que je m'étais endormi quand ce nain semblait crever le ciel venant de nulle part sur un aigle noir. Hey, et oui, on slame ça du Marie-Carmen. Mais c'était vraiment comme du rap, ce que t'as fait là. C'était du beatbox presque, c'était du... Ouais, c'était du Marie-Carmen, non? Oui. OK. Ouais. Mais là, dans la version originale qui est chantée, on écoute la chanson de Marie-Carmen. Non, c'est pas vrai. Ah oui, ça, c'est la version originale de Barbara. Est-ce qu'on l'écoute ou on a le temps ou... On peut parler par-dessus. Bah, comme vous voulez. Elle va chanter. Oui. Ou peut-être. Puis à maintenant, on la coupera. Non, on va la couper, puis il va faire un slam poésie d'un paragraphe. Deux paragraphes. Sur la chanson. Mais faut attendre le bon moment. OK. On va le sentir, il faut le sentir. Ça, c'est pour tous ceux qui n'ont pas compris les paroles que David a chantées. Il va avoir un beau moment. Venant de nulle part, surgit un aigle noir. là. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer près de moi dans un bruissement d'ailes comme tombé du ciel. L'oiseau vint se poser, il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la main. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. Oh, voilà. Près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Voilà, c'était parfait. Les yeux couleur. Mais dans cette chanson-là, que j'ai déjà expliqué la signification de cette chanson-là originale. Pour toi ou... Non, en fait, en général, parce que la version originale est vraiment un petit peu plus dark. Ouais. Là, on entend celle de Mère Carmen. Je sais pas si vous la connaissiez, la version de Mère Carmen. Avec, la plus connue, là. Celle qui joue encore dans les radios commerciales. Ouais. Celle que tu sais pas si c'est un clavecin du Fisher-Price ou une guitare empruntée à l'univers musical des Bisounours. On le sait pas. Mais en tout cas, ça sonne très 90, mais là, il y a un paragraphe dans les paroles originales qui ont été créditées que j'ai essayé de trouver cette chanson-là originale, mais je n'ai jamais trouvé la version chantée avec ces paroles-là, mais je vous les lis, c'est vraiment crédité, c'est vraiment officiel. Tu ne le fais pas en slam poésie? Non, parce que là, le sens de la chanson va changer quand je vais vous le dire. D'accord. Okay. Quatre plumes, couleur de la nuit, une larme ou peut-être un rubis. Là, ça va, mais là, c'est ce qui s'en vient. Après ça, que là, ça fesse. J'avais froid, il ne me restait rien. L'oiseau m'avait laissé seul dans mon chagrin. Mm-hmm. L'oiseau de la mort? Ben, en fait, l'oiseau... Son ex? Ah, encore plus dark que ça. Oh! C'est que, en fait, l'oiseau, selon la rumeur, l'oiseau, ça serait un de ses proches qui aurait pas arrêté d'être incestueux envers la chanteuse Barbara. Ah. Donc, l'aigle noir serait l'histoire d'une inceste. Wow! Ah. Oui. Et oui. Ben là, ça défait toute la joke de chanteuse. Il y a beaucoup de tunes qui commencent comme ça. Mais c'est pour ça qu'écouter la voix de Barbara, c'est comme tu la sens, là. Oh, oui. Je me demande quand même ce que ça donnerait si tu chantais ce paragraphe-là inédit sur la chanson, mais je te le demanderai pas parce que c'est trop dark. Non, je ne le chante pas ça. Non. Puis je ne le chante pas à la radio de toute façon. Non, c'est des intros de chronique. Mais ça a l'air que tu as une belle voix. Non, je peux avoir une autre question, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. OK. C'est fini le temps où je chante. C'est ça. T'as appris ta leçon. Je vais chanter mes intros de seul. C'est ça. Oh. Oh, je suis triste, là. Moi aussi, je fais plus de chronique. Je boycotte, c'est fou. Donc, plus d'émission, plus de chronique, rien. Vous n'aurez plus rien de moi. Mais non, c'est pas vrai. On a toute une chronique carte beachée à faire. C'était même pas ça, ta chronique, en fait. Ouais. Non, c'est ça, c'est vrai. C'est la météo avant que je m'emporte devant un slam hommage à Mère Carmen. Un slamage. Oui. Un slamage. Le prochain, ça va être Julie Mas. Oh! No! J'ai hâte. Du Julie Mas. Oui. Là, je sens qu'il y a beaucoup de pères ou de beaucoup d'hommes qui vont écouter. Oh, oui. Tu vas faire du Nathalie Simard aussi? Je sais pas encore. C'est la danse des canards. Coin, c'est la danse des canards. Coin, c'est la danse des canards. Coin. Oui. Non, je sais pas, je pensais qu'il restait dans la tête de l'inceste. Ben oui, la danse des canards, ça vient pas de Nathalie Simard parce que c'est pas elle qui l'a écrite, évidemment. C'est une chanson belge originale. Puis c'est ça, Guy Cloutier l'a sûrement importé. Puis là, il dit Nathalie chante ça pour qu'on se fasse de l'argent. Ah, sûrement. Et ça a été très populaire. Donc, pour revenir à ma chronique météo, c'est ça. Un jour, un beau jour, je me lève et là, je regarde dans mon cellulaire l'application météo et là, je vois qu'il fait beau. Je regarde dehors, il pleut. C'est ça, parce que c'était un Android, il faut le dire. Non, c'est ça, je vais expliquer. En fait, qu'est-ce qui arrive, je sais pas. Je comprends pas pourquoi, pour l'instant. Est-ce que c'est un problème avec le téléphone? Je le sais pas. Pour l'instant, là, je regarde le téléphone. Il fait beau, dehors, il pleut. Il pleut dehors, il fait beau sur mon cellulaire. Toute la journée, ça fait ça jusqu'à temps qu'il fait beau dehors et qu'il pleut sur mon cellulaire. Donc, je ne comprends pas ce qui se passe. Là, j'enlève le cover case à l'effigie de Mireille Mathieu. Donc, là, ce que je vois, horreur et damnation, ce n'est pas une mûre, ni un suçon, ni une barre de chocolat, mais horreur, une pomme. Oh non! Une pomme! Tu t'es fait remplacer ton téléphone par un Apple? Oui, une pomme. Ça explique pourquoi ça marchait pas. On s'en est dans le même gag. Je l'ai vu venir, je l'ai devancé. Fait que là, j'étais comme tout fou de gaffer ta blague. Est-ce que... Ah, Tania, t'as un cellulaire iPhone. Oui. Bonjour, Tania. On est deux contre un, là. Bonjour, ouais. Mathieu. Allô? Au revoir, passe une belle journée. Au revoir. Oh, attends. Non, Tania, Mathieu, non, non, Alain, non. Non, non, je vous aime, j'aime les iPhones. Je vous aime. S'il vous plaît. Tania, non, Tania, non, okay, non, okay, non. OK, premier, je l'utilise pas. OK. Bon, je fais la paix avec vous. C'est ça, c'est la fin de mes chroniques météo, je pense que j'en ferai plus jamais. Et c'est fini. Fin de la scène. Ouais, c'est oui, c'est ça. Oui, alors là, pour revenir aux choses sérieuses. Ah, il y a ça. Il y a ça aussi, la portion sérieuse. Ah oui, tout. Il y a tout. On passe. Tout ensemble. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous présenter une artiste que j'ai découvert, comme je vous l'ai dit au début de ma chronique. Oui, je viens de la découvrir, moi aussi. Bonjour. Oui, c'est ça. C'est genre l'air d'une fille de 12 ans, mais vraiment, quand on écoute son univers musical, c'est comme une vieille dame de 50 ans en dedans d'elle. C'est comme... Ah! L'âme de Janine Souto. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça, c'est la maturité, mais pas dans sa face. Ah! Je comprends ce que tu... Elle a un babyface un peu que j'adore particulièrement. J'adore ça. Oui. Donc, Flo Murray, c'est ça. C'est une artiste londonienne qui est née en 94, donc 21 ans ou 20 ans. Elle est discrète, elle ne donne que l'année de naissance et non la date précise. Oui. D'accord. Donc, c'est une autre... Ça dit 25 décembre. Mon Dieu, elle a 20 ans, ouais. Elle est née en 94. Ah, attends. Shit! Ça me donne un coup de vieux, ça. Ouais, mais ouais. C'est pas spécial. Wow! Ça va. Alors là, c'est ça, c'est une auteure-compositeur-interprète qui écrit vraiment de très jolies chansons. Et là, son album qui est sorti cet été, ça s'appelle Tomorrow Will Be Beautiful. Et ça contient deux chansons qu'on va écouter. On va écouter d'abord Pages of Gold, puis après ça, ça va être Show Me. Et là, la première, Pages of Gold, ça raconte l'histoire d'une femme qui a de la difficulté à passer à travers une séparation. L'autre, la chanson qu'on va entendre en deuxième, c'est Show Me. C'est celle qui d'une personne qui veut aller de l'avant dans la vie et qui veut pas trop penser à son passé, qui veut vraiment aller vers de l'avant et qui veut pas nécessairement penser à ce qui s'en vient ou qu'est-ce qui était après. Donc, son album au complet, Tomorrow Will Be Beautiful, ça a des airs parfois de Roy Orbison, de Johnny Mitchell, puis même de Lana Del Rey, surtout dans Pages of Gold. Il y a un petit côté Lana Del Rey, mais pas autant pop qu'elle, mais en tout cas, je vais vous laisser faire, vous faire une idée, puis est-ce qu'on a le temps d'écouter une autre tune après ben, ça? Ben, ça va être China de la chanteuse Simrit. C'est vraiment du bon folk et les paroles sont merveilleuses. Et là, on parlait de justement d'éclipse lunaire et là, dans sa chanson, ça parle de soleil bleu. Dans la chanson China. Après la lune rouge, le soleil bleu. Oui. Donc, oui. Ça vient de la pièce... de Simrit qui s'appelle China, mais là, avant, on écoute Flo Morrissey. L'assemblage requis, c'est la carte bleachée de David Ferron. Oui. These pages of gold. see. I'm no longer afraid of my past. I want to confront all my new tasks. C'était China de Semrit et c'est précédé de deux très bonnes pièces de Flo Morrissey, c'est-à-dire Show Me, précédé de Pages of Gold. Ah, ça me donne faim pour du Show Me. Ah. Oui, Show Me. Oui, c'est la version asiatique de Flo Morrissey. C'est ça, exact. Donc, c'était la chronique La Carte Beachée. On te retrouve dans deux semaines. Oui. Pour une autre chronique saugrenue et virevoltante de divertissement incroyable. Oui, exactement. Personnages, thématiques et autres. Aucun avant-goût, j'imagine, parce que tu fais ça sur le... Sur le fly. Sur la mouche. Sur la fermeture éclair. Sur la fermeture éclair. Pourtant, je t'en avais un petit peu, parce que j'avais justement, parlant de fermeture éclair, il me semble que je t'avais déjà dévoilé un preview, je lui dis. Est-ce que... Je pense qu'on se connaît pas. Mathieu Plante, je retiens jamais rien. Enchanté, Marie Lelon. Okay. Mmh. Je retiens jamais rien. J'oublie non, moi non plus. C'est ça. Toi, okay. Tania? J'ai quand même une bonne mémoire, tout dépendant de ce que je veux me souvenir. Okay. Est-ce que t'es rancunière? Un peu, ouais. OK, c'est bon. J'aime ton iPhone, Tania. Donc, la carte Beachée dans deux semaines, les lundis à 8h30. Merci, David. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci de votre accueil, Tania et Mathieu. Merci, bonne David. Bonne journée. Au revoir. On prend une petite pause. Au retour, une nouvelle chroniqueuse s'amène dans notre équipage. Exactement. Vient construire tout ça pendant que David Ferron parle à l'extérieur de son micro. Oh, Alexandre. Moi aussi. Marie-Christine Perrin s'en revient avec gratin et vin gratuit. Assemblage requis. Restez là. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage requis en ce lundi 28 septembre. Tania Baudin est là. Et Mathieu Plante, évidemment. J'ai mis ton retour préféré, celui qui fait des la-la-la-la-la-la-la-la-la. Ah oui? OK. Ça fait pas des la-la-la-la. Oui, ça fait des la-la-la-la. Oui. Là, ce qu'on va faire, c'est présenter une nouvelle chroniqueuse que ça fait longtemps qu'on la côtoie, c'est fou. C'était une précieuse ridicule à l'époque avec Myriam Lortie et Alexandrine Pichessir. Et là, elle est de retour, mais seule avec nous. Et avant de lui parler, on va mettre sa petite intro, puis on va voir ce que ça va donner, parce que le droit de parole revient au chroniqueur seulement lorsque l'intro a joué, d'accord? Ici, c'est comme ça que ça fonctionne. Voici gratin et vin gratuit. Raisin en grappe, fromage brie, des galeries d'art, elle se nourrit d'art d'œuvres, de photographies, d'art visuel en tréfluvie. Voici gratin et vin gratuit. Oh, mais c'est tellement cute! C'est beau, hein? Je suis tellement contente de parler après ça. Wow! OK, je suis émue. T'es émue, hein? Je suis émue, oui. J'ai travaillé fort, ben en fait, pas moi. Mais non. D'ailleurs, justement, je voudrais remercier Daniel Morissette, un auteur, compositeur, interprète de la région, qui m'a vaillamment, gentiment composé ce petit jingle d'intro. C'est fantastique. On devrait peut-être lui demander de faire le mien, au lieu que ça soit toi. Hey! Peut-être. Il pourrait se partir un commerce de jingle d'intro assez fou. Ça fonctionne bien, ça, je pense, les jingles. Ouais. C'est très payant pour les pubs. Pis, ben, je vais y en parler. Puis justement, je vais le plugger un peu. Il sort son disque, son deuxième album, le 31 décembre à l'Embuscade. Sa formule 5 à 7, donc comme ça en passant, pourquoi pas? Bonne idée. Ça va être sa paye. Ça va être là en plus. Ça va être là, on va te rencontrer. Moi, oui, je vais être là, c'est sûr et certain. Je suis une fan... incontesté de cet homme. Puis aussi, la musique de fond que vous allez entendre pendant que je vais déblatérer sur les arts visuels, c'est une musique du trio Néligan, qui est un groupe aussi de la région, qui font des séries de jazz aux Zénob, font beaucoup de corporatifs aussi. Puis là, ben, je leur ai demandé de me passer un petit extrait, ils ont accepté. Donc, je trouvais que le jazz, ça allait bien avec l'univers un peu pompeux. Et ça fait ambiance café un petit peu, étant donné que c'est enregistré au Zénob. Exactement. On dirait qu'on est en plein vernissage. C'est écœurant. J'adore. Génial. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'un vernissage? Êtes-vous déjà allé dans un vernissage? Si je me souviens bien, j'y ai été à quelques reprises. Quelques fois aussi. À la galerie R3, dans le temps que c'était à côté de mon bureau, j'y passais souvent. Oui, c'est vrai, avant que ça déménage. Ouais. Donc, le concept est assez, assez simple. Mais en fait, ça date d'il y a très, très longtemps parce qu'on appliquait la dernière couche de vernis, en fait, sur, sur la toile. Okay. Donc, c'était vraiment le vernissage. Mais là, avec le temps, ça s'est un petit peu transformé. Donc, l'artiste est invité à venir présenter ses œuvres devant une masse très heureuse de venir discuter avec l'artiste et d'observer évidemment ses œuvres. Mais il y a un petit plus qui vient avec pour nous attirer aussi, parce que les arts, on aime bien, mais on aime aussi grignoter et avoir du vin gratuit. Donc, évidemment. Ben oui, ça aide un petit peu. Donc, il y a vin qui est servi, petite bouchée, puis on discute devant ces œuvres fabuleuses. Puis avec un petit verre dans le nez, des fois, ça aide aussi à apprécier davantage ce qui c'est se trouve ça, sous je nos m'en yeux. Dit. Oui. Ouais, on devient tout à fait poétique là, en un clin d'œil. On discute toujours des choses très classes avec une coupe de vin en main. Ah. Oui, puis en plus, ben, pourquoi gratin? C'est parce que souvent, les vernissages rassemblent un nombre incroyable de gratinés de Trois-Rivières. tu sais, des gens très importants dans le milieu des arts visuels et autres arts aussi également. Dépendamment de l'endroit où se passe le vernissage, ben, ce gratin bouge un petit peu, il est malléable. C'est pas toujours les mêmes personnes qui sont au même endroit. Comme du fromage. Ça s'étire, ça se tasse. Oui, il y en a des mous, il y en a des fermes. On parle de fromage ici, madame. Oui, effectivement. Donc, voilà, moi, je cours les vernissages un peu pour le Zone Campus. C'est un petit peu une déformation professionnelle, finalement. Mais j'aime ça aussi beaucoup. Je commence à être connue, finalement, dans le milieu des arts visuels. Et puis, j'adore... C'est ta spécialité. Les autres, aux Zones Campus, vont souvent avoir des domaines un petit peu plus larges. Toi, tu t'es vraiment spécialisée dans les vernissages et le théâtre. Bien, effectivement, je suis issue d'une formation universitaire en arts plastiques et en arts dramatiques. Donc, voilà. Oui, effectivement, je suis plus spécialisée dans ça parce que j'aime ça, le côté critique d'art, parce que c'est souvent eux qui vont aller... qui ont nommé les courants artistiques qu'on connaît. Donc, je trouve qu'ils ont un petit côté important, historique aussi. Donc, j'aime beaucoup l'histoire de l'art, puis j'aime aussi me prendre pour une critique d'art. Je suis toujours très sympathique dans mes critiques, mais j'aime ça nommer certaines choses, puis faire une lecture approfondie, subtile des œuvres d'art. Ouais. Cool, c'est bien dit, ça. Et donc, chaque semaine, tu vas nous arriver avec un sujet ou plusieurs, dépendant de comment ça se passe dans ta semaine, j'imagine. Exactement. Tu fais un petit tour de ça? Oui, je vais... Là, j'ai eu la chance seulement d'aller dans un vernissage depuis le début de la rentrée. Depuis le début de la rentrée, en tout cas. Vous comprenez ce que je veux dire? Depuis la rentrée. Puis c'était hier, mais sinon, j'ai été visiter des expositions parce que c'est ça aussi, le vernissage, c'est là, il y a une masse de personnes en même temps qui viennent voir l'exposition. Puis sinon, ça dure entre quelques jours et quelques semaines, les expositions. Puis là, les visiteurs vont au compte-goutte, en fait, dans l'exposition. Donc, il y a toujours place à aller visiter les expositions. Moi, celles que je vous parle, elles sont encore en cours. Donc, vous pouvez aller les visiter. Et en plus, c'est gratuit. Il n'y aura pas de vin, par contre. Non, c'est ça, fallait être là. Ouais, le premier soir. C'est les vernissages. Là, j'ai pas de date qui s'en viennent de vernissage, mais les prochaines fois, je vais vous en annoncer comme ça. Vous allez pouvoir aller profiter du gratin. Du vin gratuit. Du vin gratuit. Santé, c'est ça. Mais en même temps, on découvre plein de choses. C'est très intéressant, les arts. Donc, cette semaine, qu'est-ce que j'ai été voir? Évidemment, la classique Galerie R3 qui est située au Benjamin Sult. Sur le campus, juste à côté du pavillon du 10-12 Chasse-Galerie où on est en ce moment. Là, on est oui, on le voit presque. Puis c'est attenant là, au Benjamin Sult qui est le pavillon des arts à l'UQTR. Ouais. Donc, qu'est-ce qui est très intéressant de cette exposition-là, c'est qu'ils ont invité 8 étudiants new-yorkais à venir exposer. Donc, on a un regard américain, jeunes et étudiants sur leur société à eux. Wow. Alors que nous, souvent, on peut porter un regard critique, on peut observer la société américaine, mais rien de mieux, finalement, que d'observer la société américaine vue par des jeunes étudiants en art de New York. C'est ça, ouais, par des tellement. Vrais. C'est pas Beverly Hills. Ouais, c'est ça, exact. Aussi. Donc, tu sais, il y a quelque chose de très, très intéressant. Là, quand on entre dans la galerie, tout de suite à gauche, il y a une installation. Une installation, là, c'est fait souvent avec des objets du quotidien, des objets usuels qu'on va placer dans l'espace. C'est une espèce de sculpture à plusieurs éléments, disons. Okay? On va y aller comme ça, de façon vulgaire. Vulgaire étant... Vulgariser. Ouais, vulgariser. Exactement. Les morons qui nous écoutent. Bon, je voulais pas le dire comme ça. Donc, quand on entre, il y a une installation qui est sur le mur. Il va y avoir deux petites tablettes qui vont comme... entourer l'installation. Puis sur ces deux tablettes-là, donc à gauche et à droite, il y a des trophées. Puis en fait, j'ai vraiment l'impression que ce sont des trophées qui existent pour vrai. Donc, on appelle ça ici, du côté didactique. Donc, ce sont des « ready-made », qui veut dire que c'est un objet qui existe déjà dans la réalité. Puis on le transforme en œuvre d'art en le mettant dans un contexte. Le contexte, c'est la galerie d'art, le musée. Donc, le premier à avoir fait ça, c'est Marcel Duchamp, dans les années 60. Il avait pris un urinoir. Oui, oui, une urinoir. Oui, oui, oui. Puis, bon, il avait signé un autre nom, tout ça, puis il avait appelé ça Fontaine. Donc, c'était devenu une œuvre d'art parce que c'était exposé dans un musée. C'est aussi simple que ça, hein, pour devenir une œuvre d'art. Ça souvent, peut être controversé comme idée, ça, que n'importe quoi puisse être de l'art. Mais... Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que l'art, là? Ben là, ouais, c'est ça, on en discutera une autre fois, peut-être. Ouais. Ça me c'est ferait un plaisir. Grand débat de la vie. Oui, oui, exactement. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le ready-made, finalement. Donc, ce sont des ready-made qui sont exposés puis qui sont scénographiés, qui sont mis en scène pour devenir une installation. Donc, on a les trophées. C'est, tu sais, quand on va faire du tir au fusil, ben on... En tout cas, je m'exclus vraiment, les mais ouais, c'est ça. Bon, il y a des casques sur les oreilles pour pas que ça fasse du bruit, là. Bon, fait que le trophée, il est comme ça. Le gars, il a ses écouteurs sur la tête pour pas avoir le bruit du fusil. Puis là, il tire. Donc ça, c'est un des trophées. Fait que j'imagine qu'aux États-Unis, il y a des concours de précision de tir. Oui, c'est ça. Donc, tir au pigeon d'argile, ce genre de truc. Ça, c'était vraiment dans un centre de tir, là, okay, avec oui, les. Oui, oui, je comprends. Oui, avec des guns. Ouais, là, je lui mime, en tout cas. Ok, on comprend bien. Là. On se met l'image en tête. Tu sais, comme les policiers, là, puis là, ils mettent la cible au bout, là, puis là. Il y a un portrait, le noir. Dessus, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ou de clown. C'est tellement raciste, tout n'importe quoi. Donc, il y a ça, puis l'autre personne aussi qui tire, là, c'est plus genre pigeon d'argile, il y a une carabine. Donc, ouais. C'est deux concours de tir, finalement, qui sont là face à face, puis entre ces deux personnes-là, il y a un trophée, c'est une personne qui court. Donc, ça m'a tout de suite fait penser au marathon de Boston, où oui. Il y a eu des oui. attentats, finalement. Puis aussi, l'espèce de dualité qu'il y a entre, tu sais, une société de destruction par le fusil, puis une société de construction par la mise en forme. Tu sais, on veut toujours être en santé, on veut être bien. Donc, cette espèce de rencontre-là, puis de choc entre une société qui se détruit par le fusil et la poudre, et une société qui essaie de se construire par la bonne alimentation puis la forme physique. C'est un peu ça de l'art aussi, c'est de donner son propre message à l'œuvre, même si ce n'est pas nécessairement inscrit sur un petit carton. Voici ce que ça veut dire, finalement. Bien, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, l'artiste fait une œuvre d'art, puis lui, il veut bien penser qu'est-ce qu'il veut de son œuvre, qu'est-ce qu'il a envie de dire, ou des fois, il n'y a absolument rien à dire, puis il crée et c'est tout. Puis après ça, il donne ça au public, puis là, ben, c'est la personne qui fait sa propre lecture. Moi, c'est ce que j'ai lu de cette œuvre-là. Peut-être que je lui parlerai à lui, puis il ne dirait pas du tout. Mais moi, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que je comprends de cette œuvre-là. Puis c'est ce qui est très amusant d'aller voir des œuvres aussi. C'est ça. Alors, on dirait que l'œuvre, une fois qu'elle est faite, elle n'appartient plus nécessairement à l'artiste. Elle appartient exactement. À tout le monde. Ouais. Elle appartient à celui qui en fait la lecture. Ouais. Donc, ça, c'est ce que j'ai vu. Puis donc, ça, c'est de part et d'autre. D'éléments iconographiques chrétiens. Donc, encore une fois, qui est un côté de cette société-là qui est assez présent, le côté religieux, que nous, on connaît moins. Puis là, il y a des plâtres là, de Jésus puis de Marie avec des espèces de petites lumières autour. Donc, une espèce de... Tu sais, comme si la religion est au centre, au cœur et de l'installation, mais et de cette société-là. Puis est-ce que ce serait ça qui fait que on est dans des dualités dans notre société ou est-ce qu'on est en construction, en déconstruction? En tout cas, donc, les trophées englobent les icônes chrétiennes. C'est assez particulier. Ouais. Donc, ouais, des fois, on peut rentrer devant ça, puis on se dit, voyons, que c'est ça. T'sais, moi aussi, j'aurais été capable de faire ça. C'est bien niaiseux, les arts. Mais là, tu fais. Mais il y a ça aussi, mais c'est justement ça ce qu'on disait juste avant. T'sais, c'est qu'il faut essayer de se lire dans le miroir, finalement. Ouais, parce que les arts, c'est toujours le miroir de la société, finalement. Donc, c'est essayer d'aller lire qu'est-ce qu'on peut voir de nous-mêmes à travers l'œuvre. Donc, c'est ça qu'il faut essayer d'aller décortiquer. C'est un peu comme une énigme, finalement, par rapport toujours à nous personnellement, mais à nous en tant que membres d'une société. Donc, hein, c'est pas toujours facile de lire une œuvre d'art, mais ça se fait et c'est très, très amusant. Donc, ben voilà, ça, c'est ce que j'ai vu. Ben, évidemment, ils sont 8, donc il y a 8 installations. Il y a des photos abstraites, des photos très figuratives. Il y a toutes sortes de choses et il y a des vidéos aussi. Il y en a un qui m'a fait vraiment rigoler. Il est très, très... C'est très bon. C'est très simple là, comme concept. Je vais vous expliquer ça. Donc, c'est projeté sur le mur. Puis, à peut-être, je ne sais pas moi, 2 mètres de distance, il y a un socle où il y a des écouteurs. Donc, on peut écouter le son du vidéo, mais on est à une distance choisie, finalement. Donc, ça a l'air d'un... Là, ce ne sera pas très vendeur, mais ça a l'air d'une espèce de vieux 3D des années 90. T'sais, les ordinateurs n'étaient pas trop bien faits. Puis, c'était... Ils sont comme saccadés un peu, puis c'est pas des dessins. La qualité n'est pas dans le plastique du dessin. Là. C'est pas okay. ça qu'on va chercher, c'est dans l'idée qui est représentée. Donc, j'imagine que aussi c'est voulu, lui, qui a choisi de faire du 3D comme ça, parce qu'évidemment, la technologie offre mieux, mais bon. Semi-vintage. Récent ouais, vintage. C'est ça. Ben, ça pourrait être ça, ou ouais, un vidéo semi-vintage vieux 3D 90. Mm-hmm. Donc, on pourrait appeler ça comme ça. Tu vois, on vient de nommer un courant, peut-être, artistique. Copyright, assemblage requis. Oui, exactement. Ouais, merci, voilà. Merci. Donc, c'est des gros babouins, des gros gorilles, là, des macaques, finalement. Donc, ça nous ressemble quand même assez. Oui. Et puis, ils sont sur des îles qui sont clôturées dans l'eau, sur une espèce de planète. Là. Puis, sur une planète, là, bon, écoutons, ils ont des îlots, puis ils sont dans ça, puis ils kickent en dehors des petits singes. Mm-hmm. OK, ça commence comme ça. Là. Ouh, là, puis t'entends la petite musique, là, puis il y a les bruits en même temps de ce qui se passe. Bon, ça commence comme ça. Dis, ouais, j'étais un petit peu. Tu sais, je prenais des notes en même temps, je regardais pas tout le temps. Puis là, Mané, là, oups, je regarde. Puis là, ils sont les gros babouins sont en train de se parler. Ils ont des chapeaux, ils ont des cigares, puis ils ont des petits verres à martini. Là, ils jasent. Puis Mané, la chicane pogne. Fait que là, ils s'en retournent sur leurs îles, puis ils donnent des armes à leurs petits singes, puis ils envoient se battre pour eux, pour régler leur conflit au gros. T'sais, c'est vraiment très, très, très clairement ce qui se passe dans la réalité où les grands de ce monde se chicanent par l'entremise de soldats, des fois des enfants soldats, que ce soit l'armée bien construite, puis que les gens pensent qu'ils veulent vraiment y aller, puis ils se font enrôler, tout ça. Donc, je trouvais que ça, c'était très amusant. Premièrement, le traitement du vidéo, mais aussi parce que c'est... T'sais, ça reflète vraiment l'idée des guerres qui se passent, puis tout ça, puis comment est-ce que ça fonctionne. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Donc, puis c'est ça, puis ça, on n'a pas besoin de l'expliquer, cette vidéo-là. Là. C'est juste vrai, puis c'est amusant en même temps. Fait que ça, je vous invite à aller voir ça. C'est pas loin pour les personnes qui sont sur le campus. C'est ici à la Galerie R3. Puis ben voilà, je pense qu'on avait une petite chanson pour clôturer ça, Mathieu, parce que, ben, tu sais, moi, j'aime ça faire des liens là, avec ce qui se passe. Puis là, ben, j'ai choisi une chanson, c'est New York avec toi, du groupe Téléphone des années 80. Donc, ça va aller avec les gros babouins. On écoute ça, assemblage de qui. Quand tu veux. Aussitôt que tu en as envie de jouer. On va la jouer ici, tiens. Attention. Là-là. Un jour, j'irai à New York avec toi. Toutes les nuits déconner. Et voir aucun film en entier, ça va de soi. Avoir la vie partagée. Tailladée. Percé par le ronron de l'air conditionné. Dormir dans un hôtel délaté. Traîner du côté gay et voir leur corps se serrer. Voir leur cœur se vider et saigner. Et saigner. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, chaque autre rat. Voici le cœur de la vie. Tu m'emmèneras, emmène-moi. Un jour j'aurai New York au bout des doigts. On y jouera, tu verras. Dans les clubs il fait noir, mais il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid si t'y crois, et j'y crois. Les flaques de peinture sur les murs en parfois. La couleur des sons que tu bois. Le puits est tellement grand que vite on oubliera. Que nulle part c'est chez moi. Chez toi, chez nous quoi. Un jour j'irai là-bas. Un jour chaque autre rat. Voici le cœur de la vie. Ah oui, emmène-moi. Donc, New York avec toi, du groupe Téléphone, un groupe français qui a œuvré dans les années 80. Très bien, très bien. Mm-hmm. Toujours dans la chronique Gratin et Vin gratuit, où on parcourt les vernissages, les trucs d'art visuel, les trucs cool et intéressants en Mauricie. Et on a un autre sujet, mais à Christine Perra. Oui, hier, je suis allée dans un vernissage cette fois, mais un vernissage un peu détourné parce que ça se passait au Zénobe. Le Zénobe, c'est un endroit très agréable, là où il y a tout un gratin. Oui. Ah oui, tout un gratin artistique et culturel qui se côtoie dans ce bar mythique. Et miteux. Non, c'est pas vrai, faut pas dire ça. Non, c'est ça, faut petit, pas le dire. Petit. Petit et un peu sous-sol de parents. Moi, je trouve qu'il y a des poteaux dedans, tout ça. Bien. Mais c'est très charmant, c'est très coquet. Justement, oui, on n'a pas peur d'échapper de la bière, on n'a pas peur de danser ces tables. Tu sais, il n'y a pas de trouble, là. Tout est accepté aux Zénobe. C'est ready-made, comme on appelle. Oui, c'est ça. C'est un ready-made et un work in progress. Voilà, constant. C'est constant. Donc, aux Zénobe, ben, malgré cet endroit très charmant et ce grand gratin agréable à côtoyer, donc, parce que les vernissages, on peut voir et on peut être vu. Donc, c'est très agréable, ce genre d'événement. Sans toucher, la plupart du temps. Ben moi, je touche pas. Mais non. En tout cas, pour les autres, ça, je veux pas m'en mêler. Et puis, aux Zénobe, ben, il faut que tu l'achètes, ton vin, coudonc. Ouais. Moi, je leur proposerais, pendant le 5 à 7 du vernissage, c'est moitié prix. Oui. T'sais, déjà, ça ouais. serait un bon compromis. Hein? Ce serait pas pire. Hein? Je pense ça que je vais leur suggérer cette possibilité-là. Des shooters de vin à une pièce. Ouais, bon, en tout cas, ça peut être un autre concept, là. Ça serait à voir avec les organisateurs. Donc, j'étais au Zénobe, donc j'ai vu beaucoup de personnes intéressantes et j'ai vu une exposition aussi très, très belle, très poétique, très particulière. Là, on est très loin là, des jeunes New-Yorkais qui ont envie d'exprimer leur société en mal de vivre. Là, c'est des dessins qui ont été jumelés avec des textes parce qu'on arrive au Festival de poésie. Oui. Puis le Zénobe, c'est un point vraiment tournant oui. de ce festival. Et puis là, ben, j'imagine que c'est juste à point pour ça. Là, sinon, je vois pas le lien. Là. Donc, c'est des dessins qui ont été jumelés avec des textes. Donc, il y a trois auteurs. Je les ai ici. Il ne faut pas que je bafoue leur nom. Il y a Régent Bonenfant, Christian Gagnon et Jean-Marc Lafrenière qui ont écrit ce sont des auteurs. Et puis, l'artiste qui est Nancy Moffat a reçu les textes. Donc, elle a fait des dessins, plutôt des dessins, puis ensuite, elle a jumelé les textes avec. Elle m'a dit que ça avait été difficile de juste prendre les textes puis de s'inspirer mm-hmm. des textes. Donc, elle a dessiné, puis après ça, elle a intégré, soit en gravant, soit en écrivant, des citations, des portions de textes de ces auteurs-là. Donc, ça fonctionne très bien parce que le texte aussi, il vient adoucir un petit peu le côté très... très, très chargé et bestial des dessins. Je vais vous expliquer. Donc, ce sont tous des corps qui sont disloqués, qui sont déchirés un peu, mais des corps très, très musclés. Donc, ils ont une espèce de charge, une grande force parce qu'ils sont très musclés, mais en même temps, ils ne sont jamais complets, ils n'ont pas de visage, ils sont seulement dessinés par partie. Donc, ça propose une certaine fragilité aussi de ce corps-là. Donc, il y a encore une fois une dualité entre une espèce de force puis une fragilité. Puis c'est vraiment très beau, très prenant. Puis c'est fait au fusain. Puis c'est seulement les traits des muscles. Il y a pas. C'est vraiment presque le corps sans peau, finalement. Donc, ça, c'est. Le dessin est très fin, c'est très beau. Puis en plus de ça, elle vient ajouter une tache, là, un carré de couleur. Souvent, c'est rouge. Il peut y avoir du bleu. Des fois, il y a du vert, du rose. Mais souvent, c'est rouge. Puis c'est juste une tache, là. Donc, on voit l'arrière-fond. Qui est soit du papier craft, là, qui est comme un papier brun, ou sur des canevas de bois aussi. Donc ça donne aussi une possibilité à l'artiste. Souvent, on va choisir le bois pour ces raisons-là. C'est un matériau qui est brut, qui est très organique. On voit les nœuds, puis aussi, ben, juste les veinures du bois, ben, ça permet d'aller débuter le trait, finalement, de cette veinure de muscles-là, comment elle dessine. Là. Donc, elle peut très bien embrasser ce matériau-là, finalement, qui est le bois, pour faire son genre de dessin. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle représente? Bon, c'est ça, c'est les corps qui sont toujours comme à demi, mais évidemment, le thème de l'amour revient souvent. Puis, c'est vraiment la rencontre entre l'homme puis la femme. Souvent, on reconnaît que les deux sexes dedans, là, mais en tout cas, sont à moitié, mais en tout cas, on les reconnaît quand même par certains attributs de poitrine. Donc, certains. Pour certains, il y en a. Pour certaines, il y en a aussi. Bon. Donc, c'est l'amour, mais c'est la quête de l'amour, le rejet, l'éloignement, la force de l'amour, la destruction, tu sais, l'essence d'où ça vient, la douleur. Moi, c'est ce que j'ai ressenti beaucoup. Est-ce qu'il y a une place pour le bonheur en amour dans les œuvres? Je sais pas, je l'ai pas trop trouvé, là, mais en tout cas, c'est très particulier, c'est très profond, je trouve. C'est pour ça que ça va très bien avec le Festival de poésie aussi. Donc, j'avais une citation de Régent Bonenfant qui m'est resté marqué à moi, mais ça, c'est vraiment personnel parce que, ben moi, je suis mère, je suis étudiante, je suis amoureuse, je suis un paquet d'affaires, je suis chroniqueur aussi en art visuel, assez fou. Puis, ben je trouvais ça beau parce que ça disait « Une femme tisse son fil entre les étoiles, entre un amant, un enfant, un chat et un livre. Oh. » Puis, je trouvais que c'était tout à fait moi, finalement, fait que je tenais à vous le dire, finalement. Donc, c'est ça. Donc, il y a toujours le texte qui est intégré à la toile. Puis, il y a une toile en particulier qui m'a... que j'ai vraiment aimé plus que les autres. Là. Ben, c'est comme ça, on a toujours un petit coup de cœur, des fois, comme une chanson sur un disque, qu'on aime plus, pas qu'on aime pas le reste. Là. Cette toile-là, elle s'appelle « Tu me gardes avec toi ». Un bout de citation qui a été inclus. Puis lui, c'est Jean-Marc Lafrenière qui a écrit ce bout de texte-là. Je vais vous le lire. « Je garde quoi? Quoi de moi? Quoi de toi? T'étreindre jusqu'à ce que tu meurs, maculer le blanc des draps du bleu de tes yeux, mâcher tous les grains de ta peau. » Oh. Hein? C'est quand même, c'est très, très beau. Donc ça, c'est un grand format qui est fait sur un canevas de bois. Puis on voit très bien les deux corps qui sont emboîtés, mais en même temps, c'est des demi-corps. Mais c'est je me suis dit, c'est d'une beauté fragile. Tu sais, il y a quelque chose de... qui peut briser à tout moment, mais en même temps, on voit l'espèce de sensualité puis un érotisme, mais toujours bien dosé, bien placé. Je trouvais que ça, c'est quelque chose qui a été très bien réussi par l'artiste aussi. Il n'y a rien de vulgaire, il n'y a rien de choquant, là. Donc, ben voilà, je pense qu'on peut presque s'arrêter là, hein. Je m'en viens au bout. Puis, ben c'est ça, c'est le mariage des mots, là, puis des images, vraiment. Ben je l'ai dit tout à l'heure, mais ça adoucit cette charge-là parce que c'est presque bestial, la part musculaire des corps qu'on voit. Donc, je trouve que les mots, ça venait apaiser un petit peu cette espèce de... c'est pas agressif, là, c'est pas ça le mot, mais c'est ça, une charge... charge. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. C'est très brut, c'est très animal, donc ça vient comme adoucir, mais en même temps, des fois, l'amour, c'est sauvage. Puis, donc, il y a quelque chose de très complet dans cette œuvre-là. Donc, le vin n'était pas gratuit. Le gratin était excellent hier au Zénob. Puis, l'exposition, vraiment, allez voir ça. C'est pas long, là. Il y a une quinzaine d'œuvres, des grands, des petits formats. Donc, c'est jusqu'au 25 octobre. Donc, vous avez un mois pour y aller. Tandis qu'à la Galerie Art 3, ça se termine là, dans une semaine, je crois. Les deux que tu avais mentionnés au début, les deux se terminent en même temps? Non, non, non. Celle-là ici, qui est en fait l'exposition corpusculaire de Nancy Moffatt au Zénob, ça se termine le 25 octobre. Okay. Donc, vous avez le temps en masse. Puis l'autre, ça se finit vendredi, le 2 octobre. Donc, qui est cette semaine. Ouais, donc, à la Galerie Art 3, c'est vendredi pas mal là. Mm-hmm. Puis, il va y avoir un autre vernissage, il me semble, dans le bout du 8. Fait que là, je vais être là, c'est sûr. Tu vas y être, c'est ce que j'ai demandé. Oui, je vais être là. Ben là, en plus, je suis comme obligée de les courir. Ben oui, j'ai une raison. En fait, c'est que je voulais y aller. Puis là, je sais pas, ça, j'y allais pas. Fait que là, je me suis dit, si j'ai une chronique, je suis obligée d'aller dans les vernissages. Ben, ça me donnait comme une raison. Là. Pauvre toi, hein? Mais oui, c'est fun dans ce temps-là. C'est ça. Quand on a une bonne raison d'y aller. Exact. Non, le nombre de chroniqueurs qui prenaient leur chronique à 7h30 l'année passée pour être forcés à se lever, tu sais, mettons, pour aller à la fin. Fait que c'est un autre genre d'excuse participer à l'assemblage requis. On te remercie et moi, je tiens à te féliciter pour ta chronique d'aujourd'hui. Oui. Ah, ben, ça me fait plaisir de vous offrir mes mots. Marie-Christine Perra et la chronique Gratin et vin gratuit. Ça donne drôle qu'on arrive juste à la fin aux applaudissements pour toi. Oh. Et comme on l'entendra pas pour un autre petit bout, on va réécouter ton intro. Oui. Ah, OK, on écoute ça. Raisin en grappe, fromage brie, des galeries d'art, elle se nourrit d'art d'œuvres, de photographie, d'art visuel en tréfluvie. Voici gratin et vin gratuit. Ah, oh, wow. T'es choyé. Bon, alors je vous quitte. Sur ce. Merci, Marie-Christine. Merci à dans à deux semaines. Oui, exactement. Puis si jamais il y a trop de vernissage, ben écoutez, je viendrai aux semaines. Ben c'est ça. Ben oui. On va t'accepter avec bras ouverts. Merci, Marie-Christine. Nous, c'est tout pour Assemblage requis pour aujourd'hui. On se retrouve demain entre 6h30 et 9h30 pour une toute nouvelle édition. Demain, on sera mardi et on va avoir Marie-Laurence Audet qui va être de retour pour sa chronique Le Loisir bien plus qu'un jeu à 8h. Et Gabriel Béaud va nous parler du match de la Luître de ce soir qui a lieu à la Chasse-Galerie à 20h, gratuit. Soyez-y, c'est le match showcase ce soir. Le match où tous les nouveaux joueurs et les anciens et tout le monde en fait va jouer à ce match de la Luître. Restez sur nos ondes. À 11h, il y aura le dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, à 13h, c'est Rock Classique avec Alain Lefebvre. À 19h, le Voyage Insolite. 20h, Rock de Neurone. Merci, Tania Baudin. Merci, Mathieu Plante. Merci encore, Marie-Christine Perron. Merci aussi, il y avait aujourd'hui, on avait David Perron Oui. Merci à lui. Ne l'oublions pas. C'est ça. Donc, demain, 6h30, passe une bonne journée. Tintin. Hey, merci, toi aussi. On se laisse-tu avec oui. un peu de Fanny Bloom? Avec... Présente-nous ça. Ben oui, on va aller écouter du Fanny Bloom avec Danse. Génial. Au 89.1 FM. À demain. Par ne plus admirer que le vide de ton décor.